But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Radio Stoub Next Generation, à bord de l'entreprise. L'invité de ce soir, c'est le nouveau studio, qui n'a pas encore petit nom. On fera peut-être une question Minitel pour trouver le nom du studio. Beaucoup de monde, mais que des personnes qui sont là en backup. Alex. Yes, monsieur foot de foot, bravo. Voilà. Pour vous servir. Jean-Luc Darquier aussi est là. Bonsoir. Fidèle au poste, hein, un habitué maintenant. Et là, je switch tout de suite, car à Radio Stoub, on aime les clubs frères, on aime les frères, on aime la famille, la MIFA, la commu. Jean-Marc Darqui. Bonsoir. Tu vas beaucoup participer, tu nous as... Oui, énormément. Genre, n'hésite pas, je te couperai peut-être la parole, on verra. Et voilà, il était prêt, Rouliane. Je suis là pour me servir, moi, contrairement à monsieur foot de foot. Pour me servir de la bière. Exactement. Mais tu, comme tu es quelqu'un de bien élevé, tu sers aussi de la bière à tes camarades. Et notamment Alex Co. Salut les amis. Salut. Ouais. Bonjour à tous. Je suis hyper content de venir parler du Racing. Ah ben, j'adore le Racing. C'est ma passion. Voilà. Et à la technique, aux questions Minitel, à l'analyse, aux expected goals, JP Larkin. Non. C'est Jean-Pierre Banksy. All right. A blog to the family, a blog to the team, and of course, blog to the commune. Thank you very much. I'm very honored. And allez Racing. Allez Racing, évidemment. Merci, bah, super émission. À la semaine prochaine. Et on n'oublie pas notre MC. Ah, mais oui. Notre MC, notre... Mais oui, notre guide. Notre phare. Et pour toi, ça représente quoi? Un mètre. Un mètre. On veut parler bien sûr de... 1m30. 1m82, mais... C'est après que tu parles. Sous la toise. Et on veut parler évidemment de qui? Mais de MC Giga. Yeah. Merci, que d'honneur. En parlant d'honneur, le Racing, on est quasiment en direct là, on voit presque le stade de la Mélo si on rasait une petite quarantaine d'immeubles en 1945, on voyait le stade de la Mélo d'ici, parce que tous les immeubles étaient rasés. Il n'y avait pas de des immeubles. C'était pas du tout fait exprès, hein. Loin de moi cette idée. Le Racing s'est qualifié, match historique, pour la demi-finale de la Conference League. Compétition que l'équipe qualifie de faible, ce que je trouve scandaleux, parce que c'est une vraie Coupe d'Europe. La preuve, Chelsea l'a gagnée. Voilà. Et donc, je sens que vous avez tous envie de parler Mainz. On va juste rappeler qu'au tour précédent, entre les deux émissions, on a péniblement éliminé Rijeka. Un match aller quand même globalement bien maîtrisé par le Racing, ouverture du score très rapide, équipe en face qui avait du mal à trouver ses repères. C'est comme ça. Et que match que nous avons vécu avec Hathor, qu'on salue, hein, qui est tout à fait. Toujours fan du Racing. Dans la cage. La cage était pour Hathor. Hein. Ça, c'est peut-être vous ne le saviez pas, mais. C'est le truc de ce club, c'est pour ça qu'ils sont connus, c'est cette cage, non, cette photo qui a beaucoup tourné. Alors, qui c'est qui y était tout y était, c'est ça? Ouais, moi j'étais dans la cage, ouais. Mais c'était la deuxième fois que j'allais dans ce stade. Alors j'étais la première fois pas dans la cage, et là j'étais dans la cage. Ça change un peu la perception quand même du truc. Mais... T'as jeté des cacahuètes? Non, on nous a pas jeté de cacahuètes, même pas de projectiles en plus, c'était assez calme. Enfin, plus un peu déçu? Non, moi je préfère une autre cajou, de toute façon. Pas spécialement déçu. Non, mais ouais, il n'y a pas grand chose à dire de ce match. Effectivement, on a maîtrisé le match. On se fait un peu peur à la fin. On prend un petit but là qui remet, on se dit, ouais, bon, du coup, ça passera au retour. Mais voilà, c'était bien, mais pas top. Bien, mais pas top. Ça aurait été mieux s'il faisait un petit peu plus chaud qu'on aurait pu utiliser la piscine. C'est plus même peur. Pour que les auditeurs situent bien au niveau du match. Tout à fait. Parce que la mer est à côté. Ouais. Ouais, mais là, il parlait d'une piscine. Oui. Bah parce que la mer était pas très chaude. Hein. Il y en a qui se sont baignés, mais pas beaucoup non plus. Hein. Parce que là, la mer, en plus, à l'endroit du stade, c'est un peu genre la mer du port avec les ports-conteneurs. Quoi. C'est pas. Rijeka, moi j'avais utilisé cette image sur le Stoux, c'est le Havre, mais en Croatie. Quoi. Ah, c'est mieux déjà. Bah, c'est mieux. Oui. Et ça reste là. C'est. Voilà, match retour, on se fait un peu peur. J'ai pas noté exactement le déroulé, mais. Bah, si, on est mené. Oui, bah oui, ça, voilà, c'est comme ça. On est mené, et du coup, on est prêt à aller en prolongation, mais il y a Barco qui égalise. Ouais, c'est Barco qui égalise. C'est Barco qui égalise sur une action de Nanasi, ouais, qui fait côté gauche, et il le met petit filet opposé. Et du coup, 1-1, ça passe, mais ça passe. Ric-rac, quoi. Mais ça nous permet d'affronter Mayence. Ah, mais donc pas d'expected goals hein, du tout. Bon, on s'en fout, j'ai quand même. Parce que figurez-vous que, contrairement à ce que disent certains, il y a les expected goals hein, pour la conférence. C'est vrai hein. C'est fou ça, c'est fou. Ouais. Bon, ok. Et c'était pas. Au match retour, on avait beaucoup d'expected goals. Ah, tu essaies de me prendre au piège. Bah oui. Mais bien sûr. Alors, en effet, je suis sur un site. Merde, c'est où? C'est où sur le site? Tu ne les citeras pas quand même, n'est pas sponsor. Ouais, tout à fait. Ah, je peux te dire qu'on a tiré 7 fois. Hey, ils ont cadré 8 fois. En 7 tirs, 8 cadrés, c'est bizarre. Tout est évident. Non. Nous, on a 7 tirs cadrés, eux 8. C'est pas grave. Incroyable. Non, mais. J'ai ouvert avec. Non, j'ai aucune idée des expected goals. Ah oui, voilà. 1,11 pour le Racing, 1,34 pour IGK. Ouais, bon, un partout finalement, ça c'est le score. Ouais. Ça se tient. IGK, combien tiens du championnat actuellement? Qui c'est qui s'est mis? Quatrième, j'ai. Mais ils sont troisième. Troisième. Ils étaient champions la dernière. Mais un championnat où ils sont. Ils ont gagné la Coupe. Ouais, ils sont 10, je crois. Et du coup, dans la belle organisation des Coupes d'Europe, tu es champion et tu vas en Conférence League. Bah, ils ont dû perdre en barrage, je pense. Non oui, mais c'est assez mal. Ouais, mais il n'y a plus que ça maintenant, parce qu'avant, il y avait des histoires à la con où quand tu étais en Europa, tu étais reversé en Conférence. C'est fini cette affaire. Hein. C'est pour ça qu'on reste en vase clos. Ouais, et d'ailleurs, tu l'as mentionné un petit peu, Gigos, au début, mais du coup, ça fait dire au journal de référence L'Équipe, on va peut-être le redire ici. Que la Ligue Conférence, à la lumière de la faiblesse de la Ligue Conférence. J'ai trouvé ça méchant. C'est scandaleux. Le jour du match historique, faire le coup comme ça, Bernard Lyons. Moi, je peux le défendre, Bernard Lyons. Mais, ouais. Donc, Tu le connais? Non. C'est quoi, c'est Non, mais c'est alors, vous allez tous me tomber dessus, surtout après. C'est un journaliste de seconde zone ou? Non, mais c'est quand même, c'est, enfin. Quand tu sors un peu du truc, du fait que oui, on est en demi-finale, on la joue, on est supporter et on est évidemment très content, mais quand tu sors un peu de ça et que tu analyses le truc, tu te dis que elle est quand même un peu bizarre cette compétition. Où en fait ils ont voulu. Alors ça, c'est depuis quand qu'ils ont. Ah, c'est depuis 2021 que ça a été remis en. Il me semble que c'est 2021. Ils ont voulu ressusciter un petit peu l'ancien. Il y a eu 4 vainqueurs, je crois. C'est ça. L'ancien Intertoto, et en fait tu te retrouves avec systématiquement une petite quarantaine d'équipes. Et avec le 7e, 5e, 6e de anglais, allemand ou espagnol. Et un club de Buco, tous les ans. Ça, c'est voilà. Obligatoire, ils ont signé. Et en fait, tu regardes toutes les éditions qu'il y a depuis 2021, bah, ces clubs-là, ces 3-4 clubs-là, bah, ils se jouent en demi-finale, systématiquement. Il y a zéro surprise. Bah, enfin, je suis content qu'on joue Bialstok, qui a plus ou moins le budget de sa réunion, mais en fait, quand tu sors un peu du prisme supporter, tu te dis, bah. Voilà, est-ce que c'est galvaudé de dire que c'est une compétition Mais est-ce qu'on peut se permettre de faire ce genre de remarques quand on est dans un pays qui a gagné les clubs français, un pays qui a disparu. On taille souvent les clubs français qui font pas le boulot en Europe dans cette compétition-là, ils ont toujours fait le boulot. Marseille est arrivé en demi, ils sont sortis contre les gagnants, Lille c'était particulier, ils sont sortis en quart de finale, mais je veux dire, et voilà, il n'y a pas eu de comme il y a eu en Champions ou en Europa League. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est quand même une compétition avec les 6-7e des grands championnats et puis 30 équipes en bois de championnats qui sont des années-lumière de. Mais est-ce que c'est pas une compétition parfaite pour des pour mettre en valeur des jeunes pépites? C'est-à-dire que c'est des mecs, tu les fais jouer des matchs contre des demi-mongoliens, là, comme dirait Nicolas. Non. Et du coup, ils font des stats. T'imagines Godot. Tu dis Godot, il a mis, 6 ou 7 buts en Conference League. Il a joué une demi. Forcément, c'est plus autre chose que dire le mec n'a pas joué un match en première ligue, tu vois. Genre, au niveau de la stat, à la revente. C'est comme quand tu rajoutes, ce que tu avais avant, là, genre Beer Award. C'est un peu le Beer Award des compétitions européennes. On met un Stempel et puis du coup, les joueurs, ils prennent 15%. Bah, c'est sûr que là, on est en demi-finale, en ayant joué peut-être trois matchs contre des... Enfin, si je prends un match contre Mainz, et puis le match contre Crystal Palace, les trois matchs contre des... Brøndby. Après... Brøndby, c'est quand même pas des chiens. Brøndby, c'est bien. Ah, c'était match, je pense que les championnats... C'était le match le plus difficile jusqu'ici. Théoriquement, ce genre de championnat nordique, et même des championnats de l'Est, c'est plus que... Enfin, l'écart est... il a quand même largement augmenté depuis les années 80-90. Et... Je te dis, tu prends, depuis 2021, toutes les éditions, tu regardes les Allemands, les Anglais, les Français... Et les Espagnols se retrouvent. Alors oui, il y a un Shakhtar et un Olympiakos de temps à autre, mais sinon, tu commences la compétition, t'as déjà les demi-finalistes, quoi. Mais pour autant, bon, on en parlera après, ça m'enlève rien, parce que quand tu joues Mainz, tu joues une équipe a priori de notre à ton niveau ou supérieur, et donc ça, il faut quand même le passer le tour. Eh ben ça tombe bien parce qu'on a joué Mainz. Je ne sais pas si tu le savais. Et... ça va très vite là. Ça va très vite. Et oui, bon, GK, on est qualifié, on est content. Je crois que on a joué, on a gagné, on est content. On a fait nul pour le coup, mais. Oui. Ouais. Et donc match aller à Mainz, c'est un peu le premier gros rendez-vous du Racing à part Brøndby où c'était un match. Déjà c'est un match à élimination directe. Enfin, GK c'était déjà un match à élimination directe. Mais là c'est une équipe qui à peu près notre niveau dans un championnat qu'on aimerait équivalent, pas si éloigné du championnat de France. Et le match aller se passe pas très bien. Non. Déjà on est bloqué à la frontière. Ouais, déjà le voyage se passe pas très bien. Voilà. On peut tous témoigner. Il y a 3h40 d'attente pour les derniers pour se faire. En plus il y a des vexations, j'ai entendu, enfin des gens qui se font isoler. Ouais. Non, ça c'était nul quoi. En fait, ils nous ont un peu spoilé notre après-midi qui était prévu au centre-ville, on l'a passé sur un parking à se faire fouiller quoi. Enfin, à se faire fouiller, non, justement, à ne rien faire et finalement se faire fouiller en 30 secondes quoi. On se dit putain, et pour finalement rien quoi. Pour rien du tout quoi. C'est juste pour faire passer le temps et quand le temps est écoulé, bon ben on va les amener au stade au dernier moment quoi. Donc dommage quoi. Dommage, c'est la Coupe d'Europe, tu la vis pas tous les ans. Enfin, à Strasbourg, on la vit pour l'instant pas tous les ans. Et du coup, un gros match comme ça, te faire spoiler par les keufs pour rien. Juste. Et est-ce que c'est quelque chose qu'ils font souvent les douaniers allemands? C'est pas spécial Strasbourg. C'est pas spécial Strasbourg. Non, les Parisiens avaient déjà eu des problèmes il y a quelques années pour aller à Dortmund, il me semble. Donc voilà, ça c'est un peu le côté tribune. Après, il y avait 2003 et 2005 supporters strasbourgeois, tous en bleu. Et tous en parkage. Tous en parkage. Et donc ça c'était sympa. Oui, il y avait du monde. Le stade est plutôt pas mal, architecturellement parlant. Après, il est paumé au milieu de champs de betteraves. Voilà. Ouais. Mais le stade, l'architecture, l'accès au stade, la fouille au stade, les buvettes, enfin tout ça, c'était plutôt. Mais le parking en bas de la tribune, ça c'est. Par contre, on n'a pas. Il faudrait peut-être qu'on passe à la question Minitel qui nous a posé la question de la qualité. Heureusement que t'es là, hein. De la saucisse, Morfile. Voilà, la qualité de la saucisse. Et des gens visiblement se sont plaints de la qualité de la saucisse. Exactement, Morfile du site. Attendez, je vais lire racingstube.com qui demandait hier en milieu de journée. Des sources bien informées racontent que la saucisse de Mainz était dégueulasse. Peut-on interroger Marco, premier testeur de Merguez? Alors ça, nous, on pourra pas, mais on peut... J'ai son numéro, je l'appelle. Marc. Alors moi, j'ai un avis assez clair là-dessus. Oui. C'est que j'en ai pas mangé, donc je sais absolument pas. Ouais. C'est très clair. Moi, j'en ai pris une piquante et elle était piquante. Une feuille en bourge, c'est feuilleur, quoi. Ouais, c'est bon, là, on avance bien. Ouais. Je me souviens du... Moi, j'ai bu des bières. C'était de la Bitburger. Ah ouais, Bitter and a Bit. Bitter and a Bit, bien sûr. Ça avait l'avantage qu'on pouvait payer, il y avait des désoiffeurs, on pouvait payer en carte bancaire. Les Allemands, ils sont forts. Hein, ouais, là-dessus, non, la logistique était pas mal, le match était moins bon. Ouais. Le match était moins bon. Je te rends tout de suite. Parce que pendant 20 minutes, je crois que Strasbourg était resté au vestiaire, quoi. Ben, en fait, pardon. Non, j'allais dire le fameux quart d'heure de grève des joueurs, quoi, qu'ils font à chaque match quasiment. Non mais moi j'ai pas pu me déplacer, j'ai vu le match à la télé, mais j'étais impressionné par, soit c'est très cliché, mais un peu la rigueur tactique de Mayence, genre cette défense en bloc où t'avais zéro espace laissé et puis tu as cette stat comme quoi c'est la meilleure défense de Bundesliga, alors je pense qu'on en reparlera par rapport au match retour, mais... Non, c'est la meilleure défense d'Europa League, je crois, de conférence. Ah, moi j'avais vu de Bundesliga depuis la reprise de la... enfin depuis la trêve. Ah ouais, quand même. Bon après je laisserai vérifier la stat. Ça tacle, en tout cas ça tacle, je peux te dire. La stat de tacle, ils nous défoncent. Ils font 19 tacles. Mais ouais, au match aller, c'était en place. Quasiment le double. Vraiment fort, quoi. Côté Mayence. Ouais. Après, il y a des manquements énormes sur le deuxième but, sur le corner où tout le monde se regarde. On dirait le même avec les trois Spider-Man, c'est qui se désignent tous. C'est à toi d'y aller, non, c'est à toi. Et puis bah, le mec tout seul au point de pénalty, un défenseur central qui fait plat du pied sous la barre. Bon, je pense qu'il est un peu pour mobiliser, si mais... c'est une zone, donc c'était la zone à qui? C'est ça la seule question à se poser. Du coup, 2-0. Il était quand même très alerté sur la qualité de Mainz sur que Coupier arrêté. C'est aussi ça qui était un peu étonnant, c'est que on savait qu'ils étaient très performants là-dedans, on aurait pu être un peu plus concentré. Et... On a du mal à rentrer dans le match, hein, peut-être. En deuxième, un peu meilleur, on a eu la fameuse occasion où Barco frappe sur la barre et Moreira met une volée dans la foulée, et puis on a la frappe d'Enciso. Il y a deux occasions. Ce qui est quand même pas énorme, deux occasions dans le match, alors que tu joues un quart de finale quasi historique. Le dernier, c'était 46 ans avant. Ouais. J'en suis rentré chez moi, je me suis dit, c'est quand même une occasion manquée, quoi. C'est vraiment un acte manqué. Ils auraient quand même pu, eux, beaucoup plus poussés, ils auraient pu en mettre 4. Un troisième. Oui, parce que. C'est ça, c'est que, finalement, tu rentres chez toi avec la trouille du retour, mais en te disant, ça aurait pu être plus. Deux, c'est peut-être jouable. On en aurait pris trois, tu te dis bon. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le meilleur Strasbourgeois, c'était le gardien. Ouais, c'était Pender. Quatre arrêts décisifs. Ça veut dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, depuis une demi-saison, autant au début il avait un peu de mal, là ça fait une demi-saison qu'il est quand même bien à l'aise. Ouais. Je le sens. En tout cas, par rapport à. Et il sera parfait à la fin de la saison quand il repartira. Oui, exactement comme un gardien qu'on a eu avant. Toute ressemblance. Alors, mais peut-être au jeu au pied encore, il y a des trucs des fois, mais il n'a pas l'obligation de relancer toujours très court, lui. Donc il a cet avantage-là. Mais par rapport à Petrovic, mais globalement, il fait vraiment le taf. Quoi. On est des bons préparateurs. Quoi. Mmh. C'est comme les mecs qui préparent des bagnoles. On met les joueurs bien en contact. Tuning. Jean-Pierre, pas aussi. Tuning. Voilà. Donc. Bon, bah oui. Des petits off-feederzen en partant du stade. Ça fait plaisir. Alors, certains diront, ils nous ont manqué de respect. Oui. Non, ça s'appelle du karma. Ils vous ont chié dessus, oui, voilà. Ouais. Mais je pense que c'était important. On en aurait fait autant. Bah, évidemment, non, mais c'est normal. Et d'ailleurs, je pense que Gary O'Neill, Gon, comme on l'appelle, je pense qu'il a utilisé dans la préparation. Voilà. Oui, c'est probable. En disant, les mecs, ils vous ont fait au Wiedersehen. Alors, à part les gars, qui sait ce que ça veut dire? Parce que bon, du coup, il avait bossé l'allemand. Parce qu'il... Et puis, il y avait Moreira qui avait une petite échauffourée en fin de match. Visiblement, c'était traditionnel avec Mayence. J'arrive pas à mettre le curseur entre les joueurs de Mayence sont cons, les joueurs du Racing sont cons. Moi, j'ai envie de dire, un partout, balle au centre. Ils sont tous très cons. Et donc, du coup, ça s'était un peu frité. Ouais. Puis Moreira avait dit qu'il y avait besoin d'un petit peu faire monter la sauce. Parce que, je pense que tu peux aussi avoir, surtout lui qui était en reprise, la frustration d'arriver dans un match qui est déjà plié alors que t'as pas pu donner Ça me fait penser à quelque chose de très clair. Il y a bien sûr les auditeurs de Radio Stoub sont fans aussi de hockey sur glace, tout le monde le sait. Ah oui. Et au hockey sur glace, souvent, quand tu perds, tu envoies sur la glace le gooner. Ouais. Le mec qui est là pour, en fait, il vient et il va prendre un mec en face, mais vraiment gratuitement, il va le prendre et il va l'enchaîner. Il va déclencher une bagarre et il va essayer de la gagner, cette bagarre. Et en fait, c'est pour renverser le momentum. C'est pour se dire, on se met marcher sur la gueule par les mecs d'en face. Je viens de vous montrer que c'est les mecs, c'est des connards. On peut les détruire. On peut leur casser la gueule. Alors évidemment, c'est la vision idyllique des mecs qui défendent se mettre sur la gueule au hockey sur glace. Dans la vérité, il y a des mecs qui font des stats, ça marche une fois sur deux, quoi. C'est comme le changement d'entraîneur, ça marche une fois sur deux. C'est le hasard. En cours de saison, c'est un peu le hasard, mais des fois ça marche. Et là, peut-être que Moreira se dit, je vais foutre un peu la merde en fin de match, je vais leur répondre, ça va montrer qu'on a du caractère et on va se bâtir là-dessus pour faire le match retour. Là, j'ai envie de dire trois choses. La première, momentum, c'est très bon, mais on le traduit pas toujours bien, c'est l'élan. Ça, c'est parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, j'ai vu, pour dire moment. Non, n'importe quoi. Première chose. Et je l'ai vu pas plus tard cet après-midi sur quelqu'un qui parlait du Racing. Deuxièmement, un petit point expected goals. Et troisièmement, j'ai une question. Sur ce match-là, 1,62 pour Mayence. 1,06 pour le Racing. Ah, du coup, on est mal payé. Tu vois, on est mal payé. Et on fait une deuxième mi-temps bien meilleure, effectivement, au niveau des stats que la première, avec 0,74. Après, il y a le, forcément, quand on casse deux buts en 11 minutes dès l'entame du match, il y a une équipe qui va être dans la gestion et une équipe qui va être dans la sur-compensation. C'est dans le contrôle, hein. Comme quoi les expressés. Bon, 19 minutes, mais oui. La question. Et la troisième question de moi-même, parce que tu parles de Gary O'Neill et de son speech. Motivatoire. Je serais très curieux de voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais ça se trouve, il y a peut-être parce une caméra qui a filmé. Il est calme. Bah, je pense qu'il a dit Guy Laporte. C'est ça. C'est du charisme. C'est pas du charisme. C'est pas forcément un manque de charisme d'être quelqu'un de posé. Ouais. Mais peut-être qu'il a un manque de charisme. Ça, j'en sais rien. D'ailleurs, il s'est posé au McDo à la fin du match. Ouais. C'est dire. Mais je serais curieux. J'aurais bien aimé voir qu'est-ce que c'est Gary O'Neill qui fait allez. On va être défoncé, Peut-être qu'il a pas besoin de s'énerver, hein, juste leur dire, bah les gars, si vous avez envie de sortir la compète en n'ayant pas joué les matchs, on vous dit tout de suite et on joue pas le match retour. Mais même Emile Jadé, il s'était énervé. Pareil, dans le genre. Il avait un Lorrain devant lui. Il avait une excuse. Bref, voilà, c'était mes trois points. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet événement, à mon avis, ça a nourri la narration, de la préparation mentale du match. C'est un grand mot, mais en tout cas, ça. Vous allez rire, j'ai balancé l'enregistrement. Heureusement qu'on a le téléphone. Bah oui, évidemment. Ça, oui, moi. J'ai plein à dire, du coup. Attendez, on va juste faire un truc. On va faire blablabla. Et je le lance maintenant. Et on fera, évidemment. Je ferai le début sur l'iPhone et la suite. Un truc de malade mental. Un truc de malade mental. Mais personne s'en rendra compte. Un mashup. Ouais, exactement. Il y a un indice. Magique, quoi. Mais Gary, on est sur Gary. Ouais, je sais plus. Ce que je disais. On est sur Gary et c'est vrai que son. On sait pas trop un peu son management, qu'est-ce qu'il veut y mettre derrière, est-ce qu'il voulait énerver vraiment les gars. Après, il y a un élément qu'on peut peut-être parler, c'est le fait est que Mainz n'a pas eu le droit dans son championnat à décaler sa journée de championnat et à jouer le match retour, alors que Strasbourg a eu les largesses de la LFP qui lui permet de bousculer et donc de foutre tous les matchs plus tard sous le tapis. C'est ça. Pour la fin du championnat. Allez. La finale, qu'on va atteindre. Elle va être énorme, parce que on aura fait 17 matchs en 12 jours avant la finale. Parce que ça va être... Non, je pense qu'on jouera nos matchs en retard en août. Ouais, Mainz a aussi fait le choix de faire jouer son équipe type contre Freiburg le week-end d'avant. Avec deux changements. Avait pas fait son alors, choix. Moi, je pense que c'est joué. Même que dans le début de semaine, on a même dit que effectivement Mainz avait fait jouer, alors que nous, on s'était tourné les pouces et que finalement, c'était peut-être une erreur. Alors je pense que déjà c'est peut-être une erreur dans la gestion de la suite des compétitions parce qu'effectivement là maintenant c'est démentiel et il n'y a plus moyen de repousser des matchs. Je ne sais pas comment ils vont arriver à l'éventuelle finale dans les deux compétitions qu'on joue encore, parce que surtout ça va être compliqué. Et après, moi je pense que la meilleure manière de préparer un match, c'est effectivement de jouer et de gagner. Mainz a perdu. Au-delà du résultat qui te donne tort, mais je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi il y a quand même une limite qu'on voit au Racing depuis quelques temps maintenant. Déjà l'année dernière, on en faisait des caisses, c'est que Rosenior qui avait un groupe hyper restreint, qui jouait qu'avec 14 mecs. Et là, en fait, moi, c'est ce qui me faisait peur avant le match retour, parce que vous regardez les remplaçants du Racing, moi je vous mets au défi de me citer tous les remplaçants du Racing. Et Mega. Ah oui, mais alors Becker, Bossé, Kerkert, c'est le mec qui fait le Paris de Dakar, Jean-François Kerker. Ouais, mais... Non, mais voilà, on fait ces matchs-là, on a trois gardiens. Alors, c'est bien, si on a deux gardiens qui se blessent, on est tranquille. Mais tout ça pour dire, vaut mieux qu'ils soufflent un peu parce que on a quand même cette particularité qu'on avait sous revenir et qu'on a encore, qui est liée aussi à une politique générale, mais que on a un effectif ultra resserré. La vitrine. On n'a pas un effectif ultra harcelé. On a un énorme effectif, mais avec que des buses quand tu sors des 14 joueurs qui font l'équipe. Ouais, 14, ouais. Tu tournes. Non, mais on en a plein des joueurs. Parce qu'on a essayé de nous faire croire, il y avait un mec qui s'appelait Fofana qui était censé jouer au foot. Bon, l'escroquerie, elle a duré quoi? Deux matchs. Le mec, il s'est fait démasquer, ils l'ont envoyé en tôle d'ailleurs. Non, mais le mec, même quand il était en Turquie, il était bon en début de saison. C'est juste qu'il est venu chez nous, il a le syndrome du mec qui vient chez nous et qui devient transparent. Mais on en a plein des joueurs. Sauf qu'on en a effectivement des mauvais sur le banc de touche. Et les autres, on les a prêtés. On a combien de joueurs là? Il faut bien que notre ami Morgan Schneiderlin justifie son salaire de quoi? Load manager, je sais pas comment ils ont appelé ça. Load manager, et le mec, il doit être occupé de fou. Hein, je crois que c'est un des mecs les plus occupés du club, c'est général, parce que le nombre de mecs qu'on a en prêt, c'est juste hallucinant. Quoi. Je te fais rapidement la liste des remplaçants du match aller. Johnson, Kerker, donc ça c'est deux gardiens. Ensuite on a Augsberg, Amgou, Louis, Kodia, Bossé, Amoameyo, et je crois qu'il y avait Becker. Bossé. Oui. Ah, je suis là, je le connais pas. Et Becker, tu le connais? C'est un gros travailleur. Grand tennisman. Boum boum Boris. Carrière énorme. Ouais, non, mais ouais, ouais. Non, mais d'ailleurs, dans le même genre, je sais pas quand il y a eu. Alors, on n'est pas encore au match retour, mais quand il y a eu. Si, si, on est entre le match, on est dans la semaine, là. Donc, fin du match, célébration, nanani, nanana. Je fais le malin, mais j'étais très heureux. Il y avait le staff derrière les joueurs, à une dizaine de mètres. Plus des remplaçants en ce moment, mais il y avait une armée mexicaine. Ils étaient 20, les types. Ouais, mais non, comme ça. Vous les avez vus. Ouais. Et là, il y a pas que des remplaçants. Il y avait le préparateur des corners à droite, le stimulateur. Le préparateur de pénalty était malade. Le psychologue des mégas, oui. Là, toute la cellule psychologique des mégas, son pasteur. Je rappelle qu'Eméga, quand il a marqué son but, il est allé en tribune serré dans ses bras la seule fille du staff, là. Il y a encore une qui va être virée, putain. Bah ouais, c'est pas vrai. Parce que j'ai re-regardé le match ce matin, parce qu'on peut le dire, on enregistre le lendemain du match retour. Ouais. Et je me suis. Non, on n'a pas les infos du match encore, là, on fait ça de tête. Je me suis regardé le replay du match ce matin, et j'avais pas vu cette scène. Il allait donc serré dans ses bras cette. Demoiselle. Demoiselle qui a sûrement dû le préparer très bien psychologiquement, match, ouais. Et évidemment pour ce match retour. Bah c'est super. Voilà. D'ailleurs, mais par contre, il était pas dans la. Bah non, c'est le match retour donc. Mais on peut parler du match retour donc. Là... Bah, en tant que capitaine, on l'a pas vu au moment où il fallait être là, une fois que le coup de sifflet final est sonné et est sifflé, devant le parquage de Mayence où il se passait des trucs. Et là, il était pas là pour faire le ménage et dire à tout le monde de se calmer. Là, je suis partagé. Alors oui, évidemment, son rôle de capitaine, c'est d'être là normalement pour un truc. Après, quand tous tes coéquipiers font de la merde, lui, c'est le spécialiste de foutre la merde. Pour une fois qu'il n'était pas dedans, tu vois, oui, voilà. Je me suis dit, bon, je peux lui reprocher d'avoir raté le penalty, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais le fait est de. Parce qu'il aurait été au poteau de corner, il aurait pris rouge. Hein. Mais d'ailleurs, c'est peut-être bien qu'il soit pas. Il y a eu des rouges d'ailleurs. Oui, il y a un joueur de même. Il a pris rouge. Mais ça va quelque chose, ce rouge, ou pas du tout? Si, mais pour les prochains. Le mec ne jouera pas dans prochaine qualif. L'Intertoto où ils seront l'année prochaine, il ne pourra pas jouer. Non, mais Miles, ils vont jamais rejouer. Lui, peut-être. Il sera peut-être sa suspension le suit, non? Évidemment. Il va peut-être aller à Chelsea. Les cartons sont effacés après le quart de finale. Mais pas les suspensions, hein, les suspensions. Les tests, hein. Ouais. C'est pour ça que Barco est d'autant plus con d'avoir fêté devant le gardien, tu sais, parce que sinon ses cartons auraient été effacés après le quart de finale. On peut pas dire que Barco est con. Ouais. Bah, aller chambrer le gardien à 2-0 alors que ouais, c'est pas très. Mais ça joue. Ça fait partie du personnage. Il y avait eu le coup de coude juste avant. Là, je comprends pas la fin. On est définitivement sur match retour. Oui, d'ailleurs, on est plus sur du MMA que du football depuis tout à l'heure. J'ai pas compris pourquoi la VAR dit à l'arbitre, ok, t'as mis jaune, nous on vient de regarder, et là, il n'y a aucun doute que le mec ne regarde pas la balle, il voit le mec arriver, il se prépare, hop, bam, il lui met un gros coup de goutte dans la gueule. La VAR pourrait dire, bon, écoutez, ton jaune n'est pas justifié, c'est rouge. Ouais. Mais c'était assez unique. Mais d'autant que je crois que c'est un des cas où la VAR peut le faire. Ouais, le changement de couleur de carton, oui, ouais. Et là, non. Ouais. L'arbitre, il regardait l'action, donc il l'a pas vu. Il a vu qu'un mec, il s'est passé un truc, les mecs dans le doute, il met jaune, quoi, tu vois. J'en veux pas à l'arbitre central, quoi. Mm-hmm. Par contre, le VAR, là. Mm. Donc, magnifique le match de la décennie, siècle, de. Oh. Beaucoup de gens, j'ai lu notamment sur un excellent site qui s'appelle RacingStube.com, on dit que ça rentrait dans leur top personnel, alors d'aucuns top 3, top 5, top 10, quoi, c'était un match... Je pense que c'est parce qu'ils n'y ont pas cru. Alors, top 10, Moi je vais faire ma... Voilà, parce que les gens se sont convaincus qu'on allait être nuls, alors que moi j'étais persuadé, le plan est déjà écrit, voilà, c'est évident qu'on allait passer Mainz, c'est évident qu'on va perdre au Rayo Vallecano avec une équipe qui sera blessée, fatiguée. Bon ça je sais pas, mais moi je dois être un romantique et tout, mais franchement, comme je suis arrivé au match en n'attendant rien, vraiment rien. Mais ni dans un sens ni dans l'autre, j'avais pas pu voir. Ça savais même pas qu'il y avait un match de foot. Non, voilà. Moi, j'y vais pas pour ça d'habitude en plus. Et tu vas pour la bière et la violence. Et moi, c'est l'ultra violence. Des fois, même pas de bière. J'arrive, je donne un coup de pied dans un chien, un coup de boule dans un poteau. Enfin, tu vois, tu le vois, toi. Ah, je comprends. Bref, tu visualises Dennis Hopper dans Blue Velvet, ouais, avec sa bouteille d'oxygène là. Ouais. C'est moi. Et j'ai eu les émotions. J'ai eu les émotions là. Franchement, c'est. Je me suis dit, ouais. Putain, on est en demi. Non, mais c'est le fait d'être en demi-finale. Il y a le match à élimination directe. Il y a l'enjeu de la qualification. Il y a le scénario. Ouais. Mais ce qui manque dans le scénario, c'est qu'en fait le match, il est à la mi-temps. Je pense que personne se fait trop d'illusions. Enfin, plus ou moins, on se dit, c'est bon. On va continuer à leur marcher dessus. Peut-être que les mecs, tu t'attends quand même les demi-temps avec un peu d'angoisse. Est-ce que les mecs vont se réveiller? Finalement, pas vraiment. Donc on a déroulé. Donc c'est magnifique, c'est super. En plus, t'es content, tu peux profiter. Le vrai scénario, là, genre le coup franc de Liénard. Oui, oui. Ouais, rien à voir. Le coup franc de Liénard, on est au fond du trou. On est relégué. Et sur une, déjà il y a le but qui vient juste avant et d'Acosta je crois. Et là il y a cette action. On n'a jamais mis de coup franc, truc et bam, il est là, complètement inattendu, soudain sur un seul truc. Là c'est, on a déroulé le match parfait, le match qu'il fallait faire, c'est historique. Mais moi je sais pas si je le mets dans mon top 10 peut-être. Ouais, bah c'est ça. Top 10, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais après, ça reste Mainz, il était aussi faible que Nice qu'on a vu quelques jours avant. C'est parce qu'on leur a marché dessus. On va rigoler mercredi. Hein. Là, franchement, alors, je peux l'annoncer. Oui, je sais pas si l'émission sera en ligne déjà la première. Elle sera bien sûr. Évidemment, c'est une évidence. Claire, on les a battus en championnat. On va forcément, on va faire une Mainz inversée. Ouais. Le Zyme, alors. Ouais, mais je sais pas. Une Zyme. Ouais, mais je sais pas. Ouais, dans mon top 10, c'est sûr, parce qu'on va en demi-finale, quoi. Et puis que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, des gens que je connaissais aussi. Dédicace à Joël. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Et Jonathan. Ça serait Jolo. Jo. D'autres peut-être partagés. Oui, c'est dans ton top. Toi, t'as vu 4 matchs dans ta vie. C'est ça. Moi, j'en ai vu une dizaine, je crois, maximum. Ouais. Donc, eux, c'est dans mon top 10. Non, bref, un petit truc. Les gens aiment bien quand on parle de nous. Mm. Bah, moi, je parle souvent de moi. Les gens adorent. Ouais. Je reçois des messages et tout. Mais les top aussi, les gens. On doit faire les. Ouais. Le top 10, le numéro 9 va vous prendre. Ouais, c'est ça. Alors, moi, c'est Brut de Pomme, ensuite Ginny et Orangina. Moi, j'aurais mis Ginny en 1. Alors, parlons-en. Mais il y a des gens, ils font des podcasts entiers sur des tops de films. Enfin, d'ailleurs, il y a un mec qui a écrit un livre sur les. Sur ouais. Les top, Nico Rambi. Ouais. Un mec qui fait que des classements. Exact. Et pas que, il y a un Français qui avait fait très chiant. Non, c'est Gad Elmaleh, il a écrit le même livre en français. C'est top chien. Mais c'est vrai qu'on devrait. Non, mais je pense qu'on devrait se diversifier et faire des sections top. Tu vois, par exemple, le top des joueurs les plus arrogants qu'on ait jamais vu. Ah, j'ai une idée. Est-ce qu'on met Pascal Nouma dedans? Bah, évidemment qu'il y a Pascal Nouma dedans. Ça, c'est... Ouais, mais alors attention, parce que arrogant, c'est comme les Sith et les Jedi. Tu as la bonne arrogance. Exactement. Et la mauvaise arrogance. Exactement. Voilà. Pascal Moulin, on est sur la bonne arrogance. Oui, c'est un bon Salves, et puis t'as. Voilà. Pascal Pierre dans le tunnel de Metz. Exactement. Le coup de tête. Et non, dans le même genre. C'est faux, il s'est tapé la tête contre le mur. Ça, Pascal Moulin a bien. Il avait les dents la forme des dents de Pascal Pierre. Et on a eu l'étoile filante Rodriguez dans le même genre. Oui. Coup de couteau à Jacques Ligubero, oui, ça. C'est ça. Bref. Mais revenons sur Mainz. Donc, encore des bon, on a déroulé, hein, franchement. Il y avait un match à faire. Ouais. Ils l'ont fait. C'était le match à faire, à ce moment-là, exactement. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont pas fait un bon match à l'aller. Est-ce que finalement, ces jeunes-là, c'était perdu. Il y a plus rien à perdre. Alors, on joue libéré, on y arrive. Peut-être qu'on devrait toujours faire ça. Tu vois? Bien se mettre dans la merde à l'aller, ouais. Pour se mettre dans une condition psychologique pour. Le fait de recevoir au retour est un gros avantage, hein, qu'on a gagné grâce en étant premier de la phase. Moi je pense qu'ils ont été impressionnés à Mayence. L'ambiance, le truc, ils sont arrivés sur le terrain, ils ont dû être. Mais c'était tellement impressionnant, Mayence. C'était un stade tout rouge avec grosse ambiance à l'allemande. Pour les personnes qui ont déjà fait des matchs en Allemagne, c'est business as usual. Franchement, il y avait rien de nouveau sous le soleil. Mais pour des joueurs là, en expérience, à part Chilwell, il y a qui a une expérience en Europe? Il y a que dalle. Hein, les mecs, Rijeka, il y avait rien d'impressionnant. Rijeka, c'est un stade de campagne au bord de mer avec une cage et des mecs alignés de l'autre côté. Voilà. Quand ils ont joué à Aken, il y avait que dalle. À Burdin, c'était que dalle. Brombie, il y avait un peu. Bratislava. Bratislava, il y avait que dalle. C'était des stades à moitié vides avec le. D'ailleurs, Brombie, c'est là où, enfin, on était en jouant le retour là-bas et avec l'ambiance, c'est là où c'était très dur parce que le match peut. Là, c'était un vrai match de Coupe d'Europe. Les mecs en face, ils étaient en train de se truc et au coup d'envoi, ils sont allés tout droit. Ils en ont pris. Enfin, ils s'attendaient, je pense, pas à ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que les premières minutes, après, ils ont ajusté, ils ont commencé à jouer au foot. Et au match retour, ils se sont dit, OK, d'accord, on a été traités là, on va leur mettre la même médecine au retour. Et c'est pour ça que ça, moi, je le vois comme ça. Il y a aussi des joueurs qui montent en puissance. Hein. Enfin, moi, Godot, enfin, je sais pas si c'est parce que j'étais en tribune tout proche de sa ligne. Du poteau de corner, ça. Non, mais. Tu m'attendais rien de Godot, toi, sincèrement. Non, en fait, oui, c'est pour ça que j'en parle, parce que on peut parler de Marco et tout, machin, des mecs, bon, a priori, on sait à quoi s'attendre, mais alors, Godot, depuis un mois, là, c'est quand même. J'ai quand même un peu du mal avec Godot, j'ai encore du mal à accepter que ça pourrait être un joueur de foot. Ah bah, mais non, ça en est pas. J'attends, peut-être fin de saison, je vais modifier. Le match de hier. Hier, tout le monde, c'est un peu toujours ce truc. Quand tout le monde joue bien, quand tout pousse dans le bon sens, même les mauvais sont ouais. Jésus le disait. Ah bah. Non, mais un bon joueur solide, c'est un joueur qui a de la consistance, de la constance. Alors que le mauvais joueur. Godot, ce qui est incroyable, et c'est formidable qu'il sorte un très bon match sur ce match-là, c'est quand même, on sort de un mois ou deux, trois mois, où il met des buts souvent. Il a changé de braquet, de bébé. Mais souvent, il met un but, mais le reste du match, c'est des passes qui foirent, la balle rebondit sur son mollet, enfin, c'est quand même ça, les trois quarts du temps, Godot. Moi, je pense qu'il monte en puissance. Moi, par contre, s'il y a deux joueurs qui sont game changer. Yeah, game changer. C'est un. Le vrai Enciso et pas son frère Julio qui était à Bayern. Ouais. Celui qui veut bien faire des passes. Voilà. Enciso qui a sorti le tablier du mec qui prend ses responsabilités et qui il a eu 9 dans le DM. Ouais, il le mérite, c'est le bon match. Et deuxièmement, il y a le mec, je pense, l'élément le plus important de l'équipe. Le seul mec que Chelsea ne nous prendra pas puisqu'ils nous l'ont refourgué en pensant qu'il était mauvais, c'est Moreira. Et Moura, genre, il y a le bon Moreira, il fait bien jouer toute l'équipe. Je pense que tu peux rajouter Barco quand même. Oui. Barco, genre, c'est un peu constant. Oui. En fait, genre, Moreira, c'est parce qu'on a vraiment senti son absence. Et je pense qu'elle se ressent plus sur ses. Ouais, c'est parce que Barco, il est vraiment le mec qui aussi tient l'équipe. Et contrairement à Emega, que c'est pas parce que je le déteste, mais Emega, c'est un joueur qui peut être décisif, mais c'est pas lui qui va tirer l'équipe vers l'eau. Moi, j'y crois pas. Chimbola a eu une déclaration intéressante aujourd'hui. Il a dit que le ciseau horizontal là, de Moreira, c'est ce qui a changé le match. Ah, c'était qui fait que le momentum. Voilà, on ronronnait et le fait là, il a dit regardez les mecs, on peut les secouer un petit peu et en les secouant, on peut faire quelque chose. Il y a eu corner, sur le corner ça a été repoussé, boum boum boum, but de nanana. Il a pas dit N ciseau, c'est pas un problème de traduction, non. C'est le ciseau, d'accord. J'imagine que ça a été le ciseau d'un ciseau. Alors là. Pas gagné l'île. Non, parce qu'il y a eu deux ciseaux. Il y a eu le ciseau de Moreira, et puis il y avait le ciseau à la Luis Fernandez de notre ami. L'ivoirien de Nieder Schaffelsheim. Ah, Abdoul Ouattara. Abdoul Ouattara. C'était encore dans le journal ce matin. C'est les deux trucs, je n'en peux plus. Hein. Dès qu'il parle de Ouattara, c'est l'ivoirien de Nieder Schaffelsheim. Dès qu'il parle de El Mourabe, c'est le jeune de la cité de Lille. Mais ils n'ont aucun autre vocable pour désigner les deux mecs. C'est, que Marc Allaire, il pourrait dire le Orinois qui vit à Echaud. Par exemple, à chaque fois. Bah non. Est-ce qu'on vient? Non. L'ancien du FC Mulhouse. Comme si il fallait dire c'est des étrangers, mais ils viennent d'Alsace. C'est exactement ça. Moi, ça m'insupporte. Et, ouais. Et donc voilà. D'ailleurs, okay. Ouattara aussi, qui monte aussi en puissance. C'est vrai. Qui a remplacé un doué. Grippé. Prise de responsabilité. À la dernière minute. Ouais. Grippé, et il disait. Gone a dit que Doucouré a demandé à sortir plusieurs fois, et quand on regarde le match, effectivement, à la 12e minute, il avait du mal à respirer, il s'est mis, donc les commentateurs étaient affolés, finalement, il a fini le match. Et après, Gone a dit qu'il voulait pas, il lui a interdit de sortir. Mais qu'a priori, il serait là. Donc, il est fort probable que Doucouré a chopé la grippe de son ami. Ouais. Son ami doué. Et toi aussi, tu t'es Doucouré. Ah, t'as vu ça? Ça, c'est un manager. Ça, c'est un manager. Alors, une grosse perte de confiance. On a déjà beaucoup, beaucoup parlé. On a plein de choses à dire. Donc, magnifique. On est tous contents. Hein. Prochain match. Ketchup ou Rayo? Oh. Alors, attendez, j'avais mis, juste pour pourra mettre un peu de musique parce qu'on est très technique. Ah ouais. Ah, il y a les longues l'intro, c'est chiant. C'est Festival des Artefacts 2004. C'est ça. Voilà. C'était 2004. Ah ouais. Regarde la fiche. Non, mais je pensais que tu connais. J'ai encore des bleus de ce concert. Ils sont jamais partis. Toi aussi, tu vivais dans une ZAD? Ouais, la ZAD de la ville de la Forêt Noire. Bah, le quartier du Rayo, c'est un peu une ZAD. Bah, apparemment, hein. Bon, j'arrête, hein. Ouais, bah, si en plus on mange et on parle avec de la musique, les gens vont vraiment plus rien comprendre. Donc, on joue le. Rayo Vallecano. Rayo Vallecano. Déjà, c'est vachement bien à dire. C'est leur deuxième participation en Coupe d'Europe. La première, c'était en 90-91, ils ont été invités par l'UEFA. je suis allé chercher ça. Est-ce que le Rayo a déjà joué la Coupe d'Europe? Oui, deux fois, et sur leur fiche Wikipédia. Oui, ils ont été invités par l'UEFA et ils étaient en quart de finale. Non, de l'équivalent de la Coupe UEFA, donc la Ligue Europa maintenant. Ils avaient éliminé Bordeaux. Ils avaient éliminé Bordeaux, c'est-à-dire en quart de finale. Invités les mecs, et là, je ne sais pas par quel miracle ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe. L'année dernière, ou qu'il n'y a pas que c'est le championnat. C'est une vraie anomalie, moi j'en ai discuté avec championnat. Par le championnat? Ouais. Putain. Mais c'est une vraie anomalie, alors j'en ai discuté parce que j'ai travaillé, messieurs. Ah, voilà. Avec Edgar Grelot de RMC. Ah, monsieur. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Attends. C'est une anomalie l'année dernière qu'il se soit qualifié. Voilà, donc lui il considère que l'effectif il est évidemment bien inférieur à celui du Racing. Ah merde! Ah oui? Oh bah ouais, super! Alors, les joueurs à observer, Ratiu, Easy, Defructos. Defructos. Alors attention, pour ceux qui vont aller à Madrid. Ouais. Les toilettes ne marchent souvent pas. Très bien. Pour nos joueurs, les douches ne sont pas toujours chaudes. Méthode marseillaise. Une espèce de. Non. C'est tout le temps, même. Même pour les joueurs du Rayo. Même pour les joueurs du Rayo qui ont fait un communiqué à ce propos. Alors ils s'entraînent sur un synthétique. Parce que les terrains d'entraînement ne sont pas en bon état. Non, c'était assez compliqué, hein, on ne va pas se plaindre. 13e en Liga actuellement. Mm-hmm. Voilà, et donc évidemment. C'est pas un grand d'Europe. Tout espérer, ouais. Un logo, on n'en pas. Ah, le logo. Avec les serres. Et la fourche. Il y a une fourche et une pelle. Un râteau. Oui, c'est un club de paysans. C'est une fourche et un râteau. Ouais, ouais. Donc là, on se moque, donc on va se faire sortir, c'est sûr. Ouais, c'est ça, ça manque d'humilité. Bon, nous, on a une cigogne. Hein, ouais, voilà, quand même. Dans le genre pécor, on est quand même pas mal. Oui, voilà. Mais... Oh non! C'est toi, Dieu majestueux. Oui. Alors, oui. Non! Qui bouffe des poussins quand même. Bah c'est normal, c'est des salles, c'est des salles. Il faut bien manger mon enfant. Non, les cigognes sont des... Ouais, ouais. Mais l'autre demi-finale, donc c'est Crystal Palace contre... Le Shakhtar. Comme chaque année. Qui joue, donc, ils jouent où ces gens, le Shakhtar de nos jours? En Allemagne, je crois. Bulgarie, non? Bulgarie. En tout cas, quand... Ouais. Les clubs israéliens jouent à domicile. Oh putain, le bord. Des Ukrainiens qui jouent contre des Israéliens. Oh, les Israéliens jouent en Hongrie. Ouais, Hongrie. Je crois que c'est en Roumanie ou bah, jouer en Hongrie. En Hongrie, ça va changer, à mon avis. Et donc, en pays, bah, ça a changé. Hein. Il y a eu des élections là. Ah ouais? C'est pas le même. Ah, on va faire une pause. Non, non. Politique Stoum. Politique Stoum, mais Victor Orban. Orban est sur le banc. Voilà, sur le banc. Bienvenue sur. Voilà. Donc, bah, on a peut-être la demi-finale la plus facile. Sympa. Enfin, je pense que le Rayo, c'est l'équipe, a priori, sur le papier, la plus faible des quatre qui reste. Mais ouais, mais c'est une équipe qui aime bien les gros. Et qui aime bien les matchs importants, ils ont gagné contre Barcelone. Tu me présentes. Ils ont gagné contre. Regardez contre le Barça. Ah oui. Bon, après le Barça. Donc, non, c'est une équipe qui aime bien les gros. Donc, voilà, ça va être une fantasque, hein, je pense. On va dire, c'est un stade atypique, équipe atypique. C'est une équipe, on peut le dire, hein, c'est ancré dans une certaine. C'est une équipe politique, hein, c'est un peu l'équivalent de nos amis de Hambourg. Ouais. Voilà, c'est pas Red Star. Le Red Star, voilà, ça fait partie un peu de tout ça. Et donc là, notamment là, ils ont joué à l'AEK Athènes. L'AEK Athènes, c'est aussi un club très porté, on va dire, politiquement sur la gauche extrême. Et les mecs des Bucaneros, qui sont des ultras, des trucs, ont rendu des hommages à tous les mecs qui étaient morts en Grèce, des mecs de l'AEK qui sont morts, alors soit par la police, par les flics, des machins, ils sont allés sur des stèles poser des. Okay. Bon, je pense qu'ils se sont achetés leur sécurité aussi à Athènes, ouais. C'était une bonne manière de le faire. Mais on aurait fait pareil. Mais voilà, mais c'est effectivement un peu comme Sampaoli, le Rayo Vallecano, c'est vraiment un club très particulier, avec des fans très particuliers, mais qui se déplacent. Hein. J'ai regardé les images là à Athènes. Athènes, ils étaient nombreux. Hein. Ah, ils étaient un bon millier, hein. Un bon millier de mecs, ouais. C'est... Bon, après Madrid-Athènes, ça doit se faire assez facilement en transport. En bus, ouais. Madrid-Strasbourg, ça va être plus compliqué, quoi. Ouais, bah oui. Bah, stop. Peut-être de balle. Peut-être. Voilà. Donc, allez, on va essayer de quand même un peu torcher le football. De la musique. Ouais, torcher le football. Magnifique, on en reparlera jamais. Un fun fact sur le Rayo. Ah, oui. Vous savez que le Rayo, un club affilié aux États-Unis, qui est le Rayo OKC, donc à Oklahoma City, qui est un club de. Qui était un club de deuxième division de football aux États-Unis. Ah, ils ont assez de clubs pour une deuxième division. Ouais. Déjà que la première n'est pas choucarde. C'est une autre. Non, mais c'est une. C'est une franchise du Rayo, Rayo 2. Alors. C'est une autre. Puisque, c'est pas la même ligue comme que je découvre. Il n'y a pas d'autre point. Bah, moi aussi. Comme le NCA. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est avec le soutien d'eux. Hein. C'est bien avec le soutien du Rayo. Il y a une marque qui m'a filé dans l'article. Bah, le logo est le même. Hein. Tu remplaces. Tu sais que par les anciens. Ils ont pas mis un binocère à la place de. Non. Ils ont mis un. Un Monster Truck. C'était la fourche, quoi. Ah oui, dis donc. Voilà. Ah, ils auraient pu mettre un Monster Truck. Alors, c'est pas la seule demi-finale que le Racing a joué, puisque incessamment sous peu, peut-être selon que l'émission sortira dimanche, oh, voilà. Mercredi pour que les gens puissent écouter dans la voiture. Bah, comme on a vraiment tout bien fait depuis le début, ça va aller très vite, j'aurais juste à sortir la carte. Un billard. Voilà, on affronte Nice en demi-finale de Coupe de France. À la Méno, évidemment, ce qui est. Les mauvaises langues, notamment de la Fédé, diront bah oui, c'est plus facile quand on joue tous les matchs à domicile, ou presque, hein, puisqu'on a joué que à Branche à l'extérieur, je crois, c'est oui, ça. Et effectivement, c'est plus facile quand on joue tous les matchs à domicile, c'est comme ça, voilà. On va pas aller jouer, je sais pas. Pour le plaisir. Pour faire plaisir. Ça s'appelle le tirage au sort, les boules chaudes et les boules froides. Hein, Exactement. Olivier Chiavedot. Alors, est-ce qu'on parle tout de suite du match ou est-ce qu'on parle d'une question non, en rapport avec le match? Oui. J'allais dire, on s'en fout du match. Ça nous permettra de parler de Rica Lewis 67. Alors, qui d'ailleurs, pas. Voilà, on va. C'est voilà. Un moment important. Droite c'est suite. C'est un momentum du. Ouais. Non. Je vais avoir encore. Par contre, c'est pour entretenir le momentum de notre audience, de la croissance de notre audience, tu vois. Exponentielle. Parti. Ouais, mais il m'a vu. Si c'est... De toute façon, on parle pour les auditeurs. Hein, auditeur. La commu. La commu. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas redit que les gens, au lieu de essayer de vous suivre les uns les autres, non. Mettez un hashtag LiveRCS. Non, je ne lâcherai pas. C'est incroyable. Les gens ne savent pas ces réseaux Twitter. Twitter existait avant vous. Et vous arrivez, vous salopez tout avec vos gros sabots. Mettez hashtag LiveRCS. Bon, alors. Voilà, c'est ça. Question de Rica Lewis 67. Alors ça c'est pas mal. Ouais, mais je vais goûter. Hein. Je m'en occupe. Ça. Non, c'est pas numéroté. La bouteille est numérotée. Ouais. Oh. Mais bon, d'un autre côté, c'est pas bon grand. Enfin, oui, bon, bref. Ouais. Si tu veux, si on numérotait nos épisodes de Radio YouTube. Mais ils sont numérotés. Ils sont numérotés. Bon, bref. Rica Lewis 67 sur le site racingstube.com. Demandez le 14 avril. Vous vous souvenez du 14 avril? C'était un samedi. C'était un mardi, je crois. On y était. Ouais. Aux alentours de l'heure du goûter, vers 15h30, coincé entre les deux matchs qui vont définir le reste de la saison, faut-il mettre une équipe bis-bis? Qu'est-ce qu'il dit, Levin? Il dit bis-bis. Faut-il mettre une équipe bis-bis pour le match face à Rennes? Ce qui en même temps est un petit. J'en prends, hein. Merci. Pour le match face à Rennes. Pour ramener plus de verre, je ne sais pas combien. Pour l'interrogation. Alors c'est marrant, c'est une équipe bis. On la pose cette question. Oui, ouais. Donc en gros, est-ce qu'on met une équipe bis pour le match face à Rennes? Fofana, Amogou et autres, Raphaël Louis, titulaire, sans faire entrer nos titulaires habituels. Voilà, c'est la question. Est-ce qu'il fait tourner? Alors, Jean-Marc. Oui, moi je pense que oui. Parce que de toute façon, on joue plus rien en championnat. Non. D'accord, donc tu penses qu'il va le faire? Parce qu'il faut le faire, mais est-ce qu'il va le faire? Je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va trop loin dans sa question. Qu'il fasse tourner, oui, mais à mon bout, non. Et Louis, là ça va trop loin. Ouais. Surtout Louis. Ça va trop loin. En fait. J'avais même pas qu'il y a un problème dans cette question, c'est que. Moi je suis d'accord, il faut le faire. Mais en fait, tu peux pas vraiment le faire parce que en réalité, t'as pas deux 11 à aligner. On le disait tout à l'heure, on a 15-16 joueurs. Alors voilà, il y aura forcément des titulaires réguliers qui seront. Bah oui, on a dit. D'ailleurs, c'est. Ou alors tu mets Becker et mais enfin moi je sais pas qui c'est. Donc, On sait même pas son poste. C'est vrai. Mais c'est un rappel à un moment précédent de l'émission. C'est pour là, je le souligne pour que les gens se rendent compte du boulot, de la structuration. C'est pas ces questions. C'est qu'on disait tout à l'heure, on parlait justement du Mans. Et je crois que tu as raison. Voilà. Mais c'est incroyable, les rappels croisés maintenant. Ouais, là, ça va finir en flip-flap, play mort. Enfin, c'est ouf. On peut pas faire bis-bis parce qu'on n'a pas d'équipe bis-bis. Bah c'est ça. Ouais. On a éventuellement l'équipe bis. Et même pas. Et encore, ouais, même pas. Non, t'as pas, tous les postes sont pas doublés. À un niveau suffisant pour les compétitions, je pense pas. Bah, attaquant déjà, il y en a pas. Ah si, attaquant, t'as trop Fofana. Ouais, non, mais. On avait dit que t'étais un peu sérieux, quand on fait les efforts. On était bien structurés jusque-là. Ouais, on a ouais, Fofana et Mega. Même, on n'a pas deux arrière-gauche. De métier. Ouais. Ouais, mais on peut. Il y a Touré, il y a qui peut jouer, Morera peut dépanner à ce poste. Oui, mais c'est du dépannage. El Cidro peut jouer avant-centre. Oui, il fait un excellent match avant-centre hier. Hier, mais la semaine d'avant. Oui. Mais juste que c'est pas son poste. Donc, il y a plein de matchs qui jouent l'Europe. Par contre, on parle du match de Nice, mais on peut dire qu'on s'en fout. Oui, parce qu'on parle du match entre les deux. Oui, la question est sur la question, c'était sur. C'était... Mais elle est en rapport avec Nice. Oh, c'est, tu sais, on fait la transition Mayence-Nice et on fait un stop pour poser la question de Rika Lewis. Qui ne porte pas toujours d'Erika Lewis. Les lunettes ou les chaussures? Les chaussures. Les jeans. Les jeans. Mais il en possède. Oui. Et ça, c'est fort. Parce que je pense que la marque est morte il y a 30 ans. Non, ça existe toujours. Non. D'accord. Donc voilà. Mais donc, on va répondre que ce serait bien de mettre une équipe bis-bis selon Marc, Jean-Marc, mais qu'on n'a pas la possibilité matérielle de le faire. Si, on peut le faire. On peut faire jouer Becker et Bresser. Promouvoir des jeunes. Et derrière, il suffit juste d'appeler le mec des DNA et lui dire c'est génial, il y a un jeune de 12 ans qui joue, c'est ça. C'est le plus jeune joueur qui a jamais joué un match. Jean-Luc Meyer de Chiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquiti De faire entrer les jeunes. Ouais, mais ils disent rien, t'as remarqué. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est l'équipe bis-bis. Et ça, c'est à cause de notre aura. Donc, match de Nice. Match de Nice. Bon, on s'en fout. Complètement. Alors là, bah, voilà, l'important, c'est les 3 points. L'important, ouais, c'est d'aller jouer au Stade de France en vendredi. Ça, c'est super comme idée aussi. C'est une bonne idée. Voilà, une belle, belle idée. Vous avez vu, c'est chouette. Ouais. Ouais. Je regarde ce que c'est au cas où. Hein. José Cobo sera content quoi qu'il arrive. Ah, c'est mon chat qui allait boire un coup. Oui. Yeah. Non, mais monsieur foot de foot doit terminer avec. Non, c'est fini. Que peut-on dire après ça? Là, c'est les barachas, ça marche bien. Non, Baraja, il est plus racine, ça fait longtemps. Mais non, non, alors, c'est dans le quartier rouge, ça, non? Là, on a une grande. Non, Nice, on est inspiré. Ouais, ça, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, mais Nice, on leur roule dessus, on est d'accord, ouais. Oui, c'est horrible, Nice. Non, mais non, on va perdre. Ouais. Non, non, moi, je suis sûr qu'on peut-être que c'est sur ce match qu'il faut mettre l'équipe bis-bis. Mais non. Si tu veux être vraiment dans un club punk, il faut se qualifier dans 2 finales et en gagner aucune. Donc tu peux pas tomber en demi-finale. Ah, vous imaginez ça, c'est bon. Bon, là, c'est, on pourrait frimer des. Mais faire des t-shirts, faire des t-shirts. Ouais. Ouais. Ouais. À propos de t-shirts, faut qu'on bosse. Hein. Ouais. Donc ouais, on s'en fout. Ouais, voilà. Finalement, alors après, il y avait le championnat. Est-ce que ça a vraiment un intérêt d'en parler? Ça fait quasiment déjà, on a une heure d'émission. Alors qu'on a des trucs, on a parlé de pognon après. Ça, c'est important. Et je voudrais peut-être juste une question globale. Là, on a joué depuis le dernier jour, on a joué 1, 2, 3, 4 matchs, 2 nuls et 2 victoires. Et au gré de ces 4 matchs, et surtout du dernier match, Gary O'Neill est passé du statut de demi-loutre mongolienne à. Non, arrêtez avec les mongoliens! Arrêtez avec les mongoliens! Non! Désolé, Loulou, si tu nous écoutes, au statut de bah, meilleur entraîneur du monde, genre, il a quand même, il a été très, très, très critiqué parce qu'au début, il n'a pas été génial. Après Mayence aussi, hein. Après Mayence, il en a pris plein sa gueule. Ouais, c'était quasiment de sa faute à lui, que si les joueurs n'avaient pas joué. C'était la faute de tout le monde sauf les joueurs, d'ailleurs, quasiment, en lisant les commentaires. Il y avait d'ailleurs un super sondage sur le Stub qui disait comment vous espérez qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Racing renverse Mayence ce truc, et je crois que la réponse numéro 1 c'était que Gary O'Neill genre globalement renverse la table, quoi. Ah ouais, bah, ouais. Bien, tu réponds pas au sondage du Racing Stub? Oui, si non, je réponds Stub dans le Racing, ouais, je regarde les résultats. parfois. Et sur O'Neill, après, promis, j'arrête de vous rabâcher les oreilles avec ça, mais enfin, je veux dire, il y a aussi le mérite de devoir bosser avec ce groupe réduit dont je parle depuis. Parce que, en fait, quand tu vois le match aller, le coach allemand fait quand même plusieurs changements, il fait rentrer des mecs qui ont une certaine expérience en Bundesliga, et c'est à ce moment-là où je regarde notre banc et je me dis, bon. En gros, quand t'es entraîneur, tes possibilités elles sont forcément limitées quand tu dois tourner sur 13-14 mecs. Quand tu dis à un mec, quand un mec te dit I can breathe, et tu lui dis bah non, tu vas jouer jusqu'à quoi, oui, mon pote. De toute façon, il n'y a pas de joueur. Oui, bah après, c'est lui. Il joue en 4-2-3-1. Rosenior joue en 4-2-3-1. Il a les joueurs pour jouer en 4-2-3-1. Et il joue en 4-2-3-1. Et il va finir la saison comme ça. Je pense que lui, si tant est qu'il reste cet été, à ce moment-là, il pourrait éventuellement faire des demandes pour dire que. Il pourra toujours demander. Il pourra toujours demander. On verra si on a suffisamment de soupe pour faire une transition à bien sur la suite. C'est long. Mais là, pour l'instant, il fait avec ce qu'on lui a donné en arrivant. Ouais. Et droit de suite, effectivement. 48%. Enfin, lui aussi. Il est pas mal, hein. Ouais, 48%. Ouais, ça, c'est Taktoum, machin. Ouais, bah, je vous raconterai après. 48% des gens ont dit oui, on peut se qualifier uniquement si O'Neill et ses joueurs revoient totalement leur copie. J'ai des bons souvenirs. Donc voilà, bah, on a bien parlé du championnat. Hein. De toute façon, le championnat a très peu d'intérêt. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la DNCG a publié ses comptes. Et là, je pense que vous allez tous régaler parce que des fous, on aime beaucoup l'argent. Ouais. Et surtout l'argent des autres. Merci Marc. Moi j'ai été déçu. Alors, est-ce qu'on fait la question Mittel tout de suite sur le sujet ou d'abord nous on parle? Comme tu veux. Mais moi j'ai été déçu parce que les autres années, les clubs professionnels français réussissaient le grand chelem. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun club qui était positif dans son exercice d'exploitation. C'est parfois le Racing. Il y a très très longtemps. Ça fait au moins 3-4 ans qu'on ne le faisait plus. Et là, il y a Lille ou je sais pas qui là qui est positif. Ouais, qui a vendu. Ouais. Non, avant les gars, ils sont dans le positif avant la balle, avant le transfert. Parce qu'il y a le déficit avant mutation, avant transfert. Et donc, parce que avec les transferts, ils viennent péter le truc parce que le storytelling, c'est tous les clubs français perdent de l'argent de manière structurelle. Et là, il y a 2-3 connards de clubs qui sont dans le vert. Brest, je crois. Ouais, ça va pas du tout quoi. Mais Brest, voilà, ça va pas du tout. Voilà. Après, c'est les clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Hein. Comme le PSG, par exemple. Ouais, le PSG, je sais pas trop comment ils sont. Ils sont extrêmement déficitaires en déficit d'exploitation et ils le sont un peu moins avec en vendant des joueurs. Ouais, en plus, le PSG, c'est vendre des joueurs, c'est pas trop leur truc, ils s'en battent les couilles. Hein. Ils sont plutôt du genre en acheter, effectivement. En acheter. Et alors, est-ce que quelqu'un a des chiffres? Est-ce qu'on a les expectés de. Oui, bien sûr, j'ai tous les chiffres. Alors, on peut poser une question de Super 2 qui commence par un chiffre. Sur les pertes. Comme ça, après, on se chauffe là-dessus. Super Dohu sur le site RacingStou.com, demandez le 8 avril à 20h29, 78 millions d'euros de pertes cette saison. Oui. Virgule, c'est quoi le projet financier espace pour l'interrogation? Bah là, t'as deux théories qui s'affrontent sur les réseaux, parce que j'ai lu les réseaux. Il y a la théorie. Je cherche pas plus loin, c'est une entreprise qui investit. Les premières années, j'investis. Donc, comme j'investis, je suis déficitaire. Et je me refais la cerise sur la fin. Et t'as les gens qui vont, à mon sens, un peu plus loin dans la liste, qui disent, OK, c'est normal d'investir dans ce genre de projet au début et d'être déficitaire. C'est pas déconnant. Sauf que l'ampleur du déficit est telle que ça pourra pas être compensé, même dans les phases où c'est censé aller mieux. Le modèle n'arrivera pas à rattraper toutes les pertes qu'il a fait dans la phase d'investissement. Ouais, c'est ce que dit David Glusman, l'after. Ouais. Le déficit du Racing est entendu car encore en période d'investissement. Le déficit global du groupe Blueco est plus inquiétant car seul bailleur de fonds. Et c'est aussi une des questions que moi je me pose, c'est que normalement les Américains, quand ils rachètent un club, la première chose qu'ils font, c'est ils s'occupent du marketing et ils développent le chiffre d'affaires. Or, là, il n'y a rien. Les sponsors, c'est les mêmes. Ils sont 10 km autour de la Mino. C'est une grande fierté du club. 16 millions d'euros. Donc, en fait, voilà. Les sponsors, donc, toujours le show gardé. Les sponsors du Racing, 16 millions d'euros. Auxerre, 20 millions d'euros. 20 millions. Voilà. Bah, j'allais dire, c'est intéressant de comparer. Auxerre, 20 millions d'euros. Ah ouais. Ah mais peut-être qu'eux, ils vont plus loin que les 10 km. Peut-être que le Racing est encore lié avec des sponsors boulets. Contractuellement, tu veux dire. Ouais, voilà. Mais tu peux trouver d'autres. L'ancien président aurait mal négocié. Et du coup, quand les nouveaux. Je vous rappelle un ancien épisode de Radio Stoub, il y a des tas de choses qu'on n'exploite absolument pas. À Bâle, par exemple, les corners sont sponsorisés. À Bâle, les avertissements sont sponsorisés. Ça, c'est à Bâle, les arrêts de jeu sont sponsorisés. Tout est sponsorisé. Alors après, moi, il y a aussi quelque chose, je pense qu'il y a un mythe, je pense, qui doit dégonfler, c'est le mythe du « on va tirer parti maintenant du nouveau stade pour se développer et faire du chiffre recette match donc dans l'ancien stade qui était en travaux, 5 millions d'euros. Autrement dit, peanuts. Hein. Ouais. Alors, 5 millions d'euros. Sachant qu'en plus, le Racing avait un des plus hauts ratios de dépenses. 5 millions d'euros, 5 millions d'euros sur 38. Alors moi, je veux bien. Je peux même imaginer que ça va tripler et qu'on va arriver à 15 millions. Ouais, mais... Parce qu'on aura des loges et des machins. Mais 15 millions sur le budget global du club, sachant qu'il y a l'année dernière, ils ont dépensé pour 142 millions. Et que les recettes de match représentaient 5. Ils pourraient nous faire des abonnements à 150 balles dans toutes les tribunes. Hein. Le match. Que ça changerait rien fondamentalement sur le budget global du club. Hein. Ça changerait que dalle. On passerait de 5 millions à 3 millions sur les recettes de match et ça s'arrêterait là. Quoi. C'est vraiment peanuts. Hein. C'est vraiment. Voilà. Il y a 38 millions de rentrées et 142 millions de dépenses. Il me semble que par exemple l'ES qui a un intérêt évidemment principal à être sponsor du Racing. L'intérêt financier très important, zéro. Le contrat, je crois, il finit en 2027. Donc là, en effet, ils pourront peut-être chercher quelqu'un qui sera un peu mieux disant. Bah, Boudoukou. Directement. Mais vous, pourquoi sur le Mario. Ah. Bah, globalement, là, ce qu'il faut retenir, c'est 38 millions de rentrées, 142 millions de dépenses, donc ça faisait moins 103 millions. Et le transfert de Diarra à Sunderland à 30 et quelques millions nous sauve la mise pour redescendre à moins 70. Sachant que le transfert de Diarra, ça c'est comptable. On n'a pas eu 30 millions. On a inscrit 30 millions dans la case recettes, mais on n'a pas touché 30 millions. Donc en attendant, il faut quand même du cash pour faire tourner. Parce que quand tu payes le mec qui vend des bières, enfin si tant est qu'il est payé, peut-être qu'il est bénévole parce qu'il adore le club et que Markella l'a convaincu de travailler gratuitement, mais il faut le payer tout de suite. Par contre, l'argent des transferts, c'est très nébuleux. Bon, genre à Lille, ils sont encore en train de chercher de l'argent de l'époque de Lopez qui n'est jamais arrivé. Oui, bon, sachant qu'en trésorerie, ils ont quand même 77 millions d'euros. Ouais, mais ça, ce qui est colossal. Mais c'est parce que c'est les apports en capital qui ont été faits par les investisseurs. Donc là, oui, ils ont encore du pèse et ils le remettent dedans. Et donc, ils le mettent en trésorerie. Donc, il y a 77 millions. Donc, il n'y a pas de crainte pour les débiteurs du club de pas recevoir leur pognon. Pour l'instant. Donc c'est des chiffres intéressants parce que c'était les chiffres 2024-2025. C'était aussi une période où il y a eu beaucoup de transferts, très onéreux. Que de voir, on va dire, dans un an, à peu près à la même période, les chiffres sur 25-26, comment ça va évoluer, est-ce que c'est pire ou moins bien. J'ai ma petite idée. Ce qui est intéressant, c'est aussi Chelsea, en fait. À la vérité, nous, on est des petits, mais le trou à Chelsea, il est... énorme. Alors là, j'ai trois questions, j'en avais deux, mais du coup maintenant j'en ai trois avec ce que tu viens de dire. Je vais poser celle-là parce que je vais l'oublier. La première, j'y connais vraiment rien. La première, c'est si Chelsea part en couille totale, nous on est une entité séparée quand même, on peut plus ou moins sauver la baraque ou on est dead? On est une entreprise séparée. Voilà, Blue Co Alsace, truc machin. Sauf qu'on est financé par les mêmes qui financent Chelsea. Il y a des holdings. Non, mais on arrive à la deuxième question justement. Moi, ce que je capte pas du tout, c'est quand on a 78 millions d'euros de pertes, c'est le Racing qui a 78 millions d'euros de pertes, c'est Blue Co. Ben, en gros. T'as pas écouté ce que j'ai dit, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Le déficit club avec Blue Co est plus inquiétant car seul bailleur de fonds. Ben, ça veut dire que c'est les seuls mecs qui mettent de l'argent. Exactement. Mais les dettes, on les doit. Par exemple, quand on a un de leurs joueurs qu'on paye 30 millions, je sais pas combien, quand ils nous enfilent un. Comment tu fais enfiler? Quand ils nous enfilent, on dit oui, mais c'est les mêmes, c'est la même chose, c'est le même compte. Mais en vrai, il y a deux entités quand même. Oui, ils font des lignes comptables. D'accord. Mais c'est bien une entreprise à part. Ça veut dire que si à un moment il y a, je sais pas, une catastrophe nucléaire et il doit y avoir une séparation, on devra cet argent non aux débiteurs de Chelsea, enfin aux mecs qui doivent, qui à qui Chelsea doit de l'argent. Le Racing ne doit rien. La holding a financé le train de vie du Racing. C'est pour ça que les gens disent c'est pas grave. Sauf que cette holding, elle a 300 millions de capitaux, mais ces capitaux, ils sont dans le. Enfin, ils ont mis 300 millions, hein, c'est ça à peu près les chiffres. C'est 320 millions maintenant. 320 le capital. Alors, ça, c'était ma troisième question. Qu'est-ce que ça veut dire les histoires d'augmentation du capital? Je ne comprends rien. Tu sais, là, ils ont mis tant au pot et ça éponge des dettes, ou je sais pas quoi. Mais en fait, quand ils mettent de l'argent, ils disent le Racing a besoin de 10 millions d'euros, Blueco met 10 millions d'euros, la holding met 10 millions d'euros au Racing et ils disent bah, on augmente le capital. Mais après, cet argent, il vient de quelque part, hein. C'est pas de l'argent magique. Hein. Ils l'ont emprunté à quelqu'un d'autre. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Ils empruntent. Ils empruntent à des crédits privés. En fait, le financement de tout le projet Blueco, il vient de trois choses complètement différentes. C'est il vient d'une levée de fonds, notamment avec des mecs privés, donc des milliardaires qui ont mis des thunes, genre Bully, le Suisse et compagnie. Donc ils ont mis leur propre rond. Voilà, ils ont mis leur propre rond. Après, il y a Clear Lake qui est un fonds d'investissement. Donc là, eux, ils ont leur propre client, Clear Lake. Ils ont dit au mec de Clear, venez investir, on va vous faire un truc. C'est génial. Non, en fait, ils font un package. Il n'y a pas que le Racing. Enfin, il n'y a pas que le football là-dedans. Ils font un package. Ils disent au mec, vous nous donnez le pognon. Et dans 10 ans, on vous donne X pourcent de... Un peu d'uranium, un peu de Racing. Un peu de tout. Ouais. Et une fois que t'as ça, donc les mecs, donc ça, Clear Lake, c'est le gros du bordel. Et pour compléter, ils ont fait deux emprunts. Ils ont fait des emprunts à des banques, états-uniennes classiques, JP Morgan, Bank of America, des prêts bancaires avec des taux hyper classiques. Et après, ils se sont endettés à hauteur de, c'était quoi, 500 millions, hein, c'est un demi-milliard auprès de Ares. Ah voilà. Donc, c'est le genre de prêt que tu fais où le mec, tu lui empruntes 500 millions et il dit, rendez-vous dans 3 ans ou dans 5 ans et tu me rends les thunes plus les intérêts d'un coup. Donc là, on ne paye pas tous les mois. C'est un prêt in fine. Je sais pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, il faut et celui-là, c'est 2027, c'est le premier. Okay. Les banques sont 500 millions. Ah ouais, non, et tu rembourses les intérêts, mais pas le. Voilà. Et le Clear Lake, c'est a priori ce qui est annoncé, comme c'est part sur des stratégies d'environ 10 ans, ça serait 2033. Ok. Donc le fond qui a mis le plus de ronds là-dedans, qui in fine pourrait être, mais si entre temps Ares en 2027. On est dans l'incapacité, la structure, la holding principale qui détient tout, les parkings de Chelsea, l'équipe féminine qui l'a revendue, les hôtels qui s'est auto-vendus, et toute cette holding-là, si à un moment donné, ils ne sont pas capables de rembourser 500 millions, c'est ce qu'ils appellent le loan-to-own, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, c'est ce que Ares veut faire avec truc, c'est dire, ok, vous êtes incapable de me rembourser, c'est pas grave, le club m'appartient alors. Qu'ils ont fait avec les mecs sont hyper. C'est ce qu'ils essayent de faire avec Lyon, mais en même temps il y a Van Tang là, ou je sais pas comment il s'appelle. Vong, oui. Tang, qui va sûrement essayer de racheter ça auprès de Ares. Mais après, c'est une genre d'hypothèque. Hein. Il y a une genre d'hypothèque sur le club. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Altice, la maison mère de SFR. Genre quand ils ont pas pu rembourser. Bon, et après ça se négocie. Genre là, ils ont réussi à leur filer genre des parts, mais pas décisionnaires en échange. SFR aujourd'hui a annoncé qu'il a accepté une vente à 20 milliards. Ils ont accepté de négocier pour la vente. Hein. Pour 20 milliards. SFR, ouais, un opérateur de téléphonie mobile, ça vaut. Comme ça, je me dirais que, a priori, ça rend plus de service à la société qu'un club de foot. Mais Mais Godot, il a une maison, il peut manger, là, sur la scène, quand même. Voilà. Il a failli mourir, là. Ouais, d'accord. Et on rappelle pour tout le monde Ares, qui donc était impliqué dans Lyon, enfin, qui est le. Ares, c'est un des mecs qui font des crédits privés. C'est un truc qui est. Quand ils ont dit que les banques pouvaient plus prêter à n'importe qui, il y a des mecs qui ont dit nous, on va prêter à n'importe qui, on va emprunter de l'argent aux banques pour se financer. Ça ressemble, alors, pour le mec qui connaît rien, mais tellement aux prémices de 2008. C'est exactement ça. Les mecs qui achètent des prêts et des risques sur des prêts à d'autres mecs. Sachant que le crédit privé et le fameux patron JP Morgan dit que le crédit privé, c'est la prochaine grosse bouse qui va s'abonner à tout le monde parce que les mecs ont prêté beaucoup d'argent à des taux énormes à des mecs qui ont acheté n'importe quoi. C'est-à-dire les mecs, à un moment, quand t'as acheté les entreprises de la Silicon Valley, quand t'as acheté les trucs de glace, quand t'as acheté les trucs automobiles, il restait plus rien. Mais il y avait de l'argent. Mais moi, je veux de l'argent, je veux 10% de. Les mecs, ils ont dit putain le football. Ouais, putain, ils n'avaient pas pensé. Ça vaut combien ça? Le Racing, 12 millions. En plus, il y a un mec qui fait le travail gratuit. Ce qui va assez bien avec. Les déclarations de Ekbali avant qu'il achète le Racing, où il passait son temps dans des forums à dire il y a une réserve de pognon à faire sur le football européen parce qu'ils savent pas exploiter ces déchets. Ouais, alors attention, hein, Clear Lake, ils ont sur leur offre globale, je te rappelle, ils prennent l'argent des gens et ils leur promettent au bout de 10 ans un rendement. Ils ont pas tout mis Parce qu'ils ont récupéré tous leurs clients, ils ont mis une bonne partie dans le foot, parce qu'ils ont cramé combien, 1,5 milliard, un truc comme ça. Mais c'est rien. Mais 60% de Blue Coup, quand même. Oui, de Blue Coup, mais pas. Voilà. Mais de 1,5 milliard, quand ils ont levé Clear Lake, si ça se trouve, ils ont levé 10 milliards, je sais pas combien ils ont. Mais et même. Donc, ils ont mis 1 milliard dans le foot, ils ont peut-être mis 1 milliard dans les mines d'or en Afrique du Sud. C'est capital risque, après. C'est... Ouais, tu vois, ils ont diversifié le truc, quoi. Peut-être qu'au bout, en 2033, peut-être que, je sais pas, les mines de diamants en Afrique du Sud, c'était un très bon truc, que ça viendra éponger le 1,5 milliard qu'ils ont perdu au foot, et ils se sont amusés en disant c'était le football, quoi. Mais par contre, ils ont une vision encore plus macro. C'est comme s'ils avaient acheté 10 joueurs et qu'il y en avait un qui perçait, tu vois. C'est un peu la même logique, quoi. Ben, c'est la même logique, c'est la logique du volume. En investissement financier, la diversification, c'est logique, hein, c'est ce qui permet de réduire les risques. Et dans le gros truc, donc ce fonds-là qu'ils ont ouvert, donc ça a une date de début, une date de fin qu'ils ont ouvert, il y a plein de gens qui sont venus mettre des ronds dedans, donc ils ont récupéré des ronds, ils n'ont pas mis 100% des ronds qu'ils ont récupérés dans « on va acheter, va racheter Chelsea », quoi. Et accessoirement, à la fin, parce que Strasbourg, c'est comme au casino, quand tu pars et tu laisses le petit jeton et tu dis « pour le personnel hein, », ouais. C'est ça coûte. Là, dans leur portefeuille, c'est vraiment peanut. Et on a perdu quoi ce truc, ok, on a 320 millions de capital, 320 millions, c'est ce qu'ils perdent en quelques mois avec Chelsea, quoi. Ouais. C'est que dalle, hein. Ils ont perdu quoi, quasiment 2 milliards avec Chelsea, quoi. Donc, si tant est qu'ils ont perdu 300 millions avec Strasbourg, c'est peanut, quoi. Eh ben, ça me rassure. Savoir qu'on est une poussière. Ouais. Après, vous parlez des échéances qui arrivent là au niveau financier. Moi, j'ai quand même l'impression, c'est pareil, hein, comme dit Spédarty, je comprends pas toujours tout, mais de ce que j'en comprends, c'est que il y a quand même un risque que le robinet commence à se fermer, si tant est qu'il n'ait pas commencé déjà un petit peu à se fermer sur les dernières fêtes de mercato, et que là, on va plus connaître le Bouco qui met 30 millions sur ci-là, ou enfin, je sais plus combien. Il y a une phase d'investissement, il y a une phase de rentabilisation. Donc il faut rentrer du pognon dans les trucs. Il faut qu'il y ait des gens qui crachent, il faut que ça rapporte. Moi je suis moins sûr à ça. Tu penses qu'on va continuer à investir ? Moi je pense que s'ils sont pas complètement débiles, vaut mieux continuer à remettre 100 millions dans la ferme, tu vois, et mettre encore 10 mecs de plus dans la ferme en espérant, tu vois. Oui, un Enciso qui était en échec en première ligue, il est de nouveau bankable. Un Barco qui était en échec en première ligue, il est nouveau. Remets 100 millions dans la ferme plutôt que de donner des contrats à des semi-mongoliens à Chelsea. Non, on avait dit pas. Oh. Ah merde. Oh, mais des idiots. À des idiots. Non, ouais, voilà. On avait dit, on donne plutôt que de mettre des contrats complètement hors normes sur Chelsea, parce que là ça va très vite. Hein, 100 millions à Chelsea, ça claquait en. Oui, mais c'est là où tu gagnes de l'argent chez Chelsea. Non, je suis parce que tu faut que tu revendes, parce qu'après si un mec devient très loin de Chelsea, t'as combien d'acheteurs après? La pyramide se réduit. Ouais. Il reste le Real, Barcelone, quelques mecs anglais. Le vrai projet de Glucose, c'est de pouvoir revendre Chelsea avec un gros bénéfice. T'as la Ligue des Champions chaque année, aller loin en Ligue des Champions. Voilà. Et donc je me dis, si tu dois mettre 100 millions quelque part dans le projet, ça a plus de sens, à mon sens, de le mettre dans le petit club, dans la ferme, pour développer les mecs et après que ça remonte et machin, que de le mettre dans le club phare où là, 100 millions, il y a des joueurs qui ont des contrats qui sont énormes à Chelsea. Les 100 millions, c'est cramé en 2-2. Donc, je suis pas sûr qu'au mercato prochain d'été, ça sera très intéressant à suivre, de voir un peu, justement, est-ce qu'il y a, un truc d'austérité, on coupe le robinet complètement, ou c'est encore ouvert pour Strasbourg et ça sera peut-être plus très ouvert pour Chelsea. Je sais pas. À suivre. L'avenir nous le dira. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à le fermer quand même. On verra. Ah, c'était un peu moins. On a eu une période un peu d'euphorie, quand ça qu'on est un peu plus. On n'a pas eu de renfort plus que ça au mercato. Anselmino, mais. Ah, question Anselmino. Ah. Ouais, bah oui. Alors là. Jean-Michel Transition. Oui, tout à fait. C'est Super Doru dont on parlait tout à l'heure. Anselmino à nouveau blessé. C'est quoi le projet de ce genre de prêt de joueur? Il y avait le mot Anselmino du coup. C'est vrai qu'on n'a pas bien compris pourquoi ils sont allés le chercher à Dortmund pour le refoutre à Strasbourg. Alors qu'il était très bien à Dortmund, que ça fonctionnait très bien, qu'il était très heureux. Ben, je sais pas. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Contre Nice. Mais après, quand ils l'ont pris à Dortmund, il n'était pas blessé. Non, mais il est. Depuis qu'il est à. Depuis qu'il mange. La Levevourche, le mec, ouais. D'ailleurs, rien à voir avec André Anselme. Ouais, voilà. Et c'est pas le petit, le minot de Anselme. Il y avait pas un joueur Anselme. Et donc, du coup, jusque-là, il est tout le temps blessé. Et donc, là, a priori, sa saison, elle est terminée déjà. Donc, ça doit être du nouveau déchirer un ischio ou un truc du genre. Alors ça, non, je viens de me rappeler, il était venu pour nous faire oublier qu'on nous avait volé Mamadou Sapsar. Oui, c'est ça. Depuis Sapsar, pardon. Mamadou. Mamadou. Et c'était, il était là pour faire le nombre. Ah, oui. Et on voit que le double mouvement, c'est un coup de génie. Ah, c'est comme que... Fofana, hein, on attaque. Voilà, Mamadou Sarr, donc il ne joue pas, hein, c'est ça. Et Anselmino, il ne joue pas. Alors que les deux mecs étaient titulaires. Là, donc on va dire, la multipropriété, ça a ça de bon que ça redistribue les cartes. C'est du niveau du changement d'entraîneur de Chelsea, quoi. Ah ouais, ouais. Oui, bah. Là, on est sur du génie. Ouais, ouais. Et finalement, on est bénéficiaire dans l'histoire. Ouais, on a un joueur qui joue pas. On pourrait avoir un joueur qui non, joue. Non, mais on a du gros. On est en demi-finale. Attends, attends, à la fin de saison. Mmh. Ouais. On va peut-être partir à Chelsea. Et on va récupérer l'Ariane. Une fois qu'on aura gagné à Leipzig, on va défiler Place Kléber avec. Il y a un trophée. Hein, on la coupe. Bah, j'espère quand même. Ouais. Et du coup, après, donc on va défiler fin mai. Et mi-juin, début juillet, c'est quand la prépa est très bien avancée. Un truc dommage, à cause de Jeanne, hein, on va pas pouvoir avoir un bus à double étage qui traverse la ville, puisque c'est impossible de rouler où ce soit. Donc ils vont rouler, je sais pas, et ça va être un défilé en tandem. Ça sera un bateau sur le Rhin. Ah ouais. Sur le Rhin. Ou sur l'île. Ça va être chouette. Et... Sur le Rhin tortue. J'ai fait du kayak là-bas, en EPS. En ce moment. Tu vois, les moments dans les podcasts où c'est le plus écouté, ce serait peut-être c'est pas là. C'est comme si dans YouTube, il y a un pic là. Faut s'arrêter déjà. Mais non, mais en plus, on. Ah, il nous reste un petit quart d'heure. Ok. Là, il y a encore des piles, hein. Tout va bien. Vu qu'on n'a pas démarré. Non, mais le but, c'est quand même que la dernière personne qui écoute arrête. Genre. Ah, s'il te plaît, arrête tout de suite, ça nous évitera de. C'est ça. Et alors, on a peut-être plein de questions militaires aussi. Oh là, mais c'est la foule. Alors, donc, j'en ai déjà posé celle de Super Dohu. Rick Alice. Vous savez que Ross 3 n'a pas fait de questions militaires. Ouais, je suis un peu déçu. Il va bien. Est-ce qu'on finit parce qu'il a un nouveau travail. C'est inquiétant. Est-ce qu'on fait la troisième? Ah oui, il m'en a parlé de ça. Est-ce qu'on parle de la troisième question de Super Dohu? Comme ça, on aura fait tout Super Dohu. Huitième cette saison. Alors, je suis désolé, c'est championnat. Huitième cette saison avec un recrutement financièrement sans égal en France. C'est quoi le projet sportif? Mais il m'a l'air très taquin. Ouais. Mais sachant que le championnat n'est pas fini, ça se trouve, on peut finir. Troisième. Septième. Sixième, septième. Avec un peu de chance. Je sais pas l'esprit, là. Vraiment, c'est. Voilà, Non, mais j'y crois pas trop, mais on peut. Ok, je vais poser une autre question. Alors, le projet sportif, c'est l'Europe ou la mort. Je crois que. Oui, bah oui, c'est vrai. Oui. Alors, C'est vrai, on a gagné 15 millions jusqu'ici, 14 ou 15 millions. C'est énorme. 14 millions sur conférence. Par rapport à 2 milliards de pertes. Oui, voilà. Et les droits télé en France sont de à peu près en 3,5 francs. Ouais. Ah non, je crois qu'on a les droits et pour pas cher. On va toucher cette année parce que là du coup on avait les droits de l'année dernière hein, qui étaient pas très élevés et cette année on va toucher 3,5 millions. Ah, j'étais pas loin à peu près au niveau du championnat. Après vu qu'on est club européen, on aura un petit bonus parce qu'on a le droit de se partager la diffusion du truc à l'étranger parce que ça a été fait par des gros enculés. Ah, on peut dire gros enculés. Ouais, on peut. Ouais, ça peut. Gros enculés. Tout le monde est mongolien depuis une demi-heure. Le mec Nasser, c'est tout sauf un demi mongolien, c'est juste un gros enculé. Non, on a mis Dimon. Et ils ont fait les mecs, ils ont dit bah, on va prendre plus pour nous et puis vous en fait on va rien vous donner quoi. C'est 13 millions l'année dernière, voilà. Les droits audiovisuels dans le monde. Oui, mais cette année ça chute encore. Donc en fait effectivement par contre l'Europe ou la mort, c'était une analyse très fine de Bédad. C'était évident, il y a le seul truc qui peut rapporter de l'argent, c'est de jouer des compétitions européennes, le championnat qui valorise aussi les joueurs. Voilà, et ça valorise les joueurs. Voilà. Question Rocoras. Super Dohu. Ouais, question Rocoras. 15 avril 2026, vers 18h. On rentre du boulot. Ouais. Il se pose. Je le vois Rocoras, ça, ouais. Il se met dans son canapé. Hein, il se sert un petit picon, peut-être. Poltrone sofa. Ouais, poltrone sofa. Si. Et là, il sort son Samsung S25. Chute, pas de marque. Ah, mais pas de marque. Et donc, il nous demande, il a enlevé ses chaussures. L'avenir de ce Racing version Blueco dépend-il plus d'une ligne de crédit accordée ou non à Blueco ou d'une ligne de but franchie ou non par un ballon? Qu'est-ce qui nous sauvera, le sportif ou la finance? La thune. L'argent. C'est très poétique. En général, c'est la thune. Ouais. Aucun des deux. Qu'est-ce qui nous sauvera, la foi? Ouais, la foi. Wow. Je vais au Mont-Saint-Odile demain. D'accord. J'y suis allé avant le match à Mainz. Hein. C'était sur Twitter. J'ai des et ça va ici. J'aurais peut-être pas le temps d'y aller avant le match du Rayo Vallecano. Tu vas souvent. Oui, mais c'est parce que j'habite au pied du Mont-Saint-Odile. Ah, enfin, j'habite pas au pied, je travaille au pied du Mont-Saint-Odile. J'habite au studio. Ouais, tout à fait. Tu habites dans une espèce de boîte rectangulaire. Question subsidiaire. Dans les années cafards, tout le monde était devenu expert en chiantologie du sport et de la relégation. Bah, sur X, c'est pareil. Cafard Ilali ou non? Mais oui. Ah oui, c'est oui, bien sûr. Faut-il dorénavant envoyer les ch'toubis suivre une formation accélérée en accounting? Alors, je crois que justement, demain. Il y a une formation accounting. Il y a une formation accounting avec. Bah bon, on n'en parle pas. Avec Faut-il? Ouais. Bah, demain, il y a la marche. Bah oui, il y a la marche. Exactement. Excellente donc. Transition, ça n'a rien à voir avec la question, mais. Mais ouais, mais on va dire. C'est notre réponse. Mais la voilà. Notre réponse. Eh bah, oui, il y a une formation grève. Manifestation devant Stamford Bridge de République à Nation. À Nation. Voilà, une marche contre Blouko entre les supporters frères. Ouais. Au lendemain d'une qualification historique dont certains disent que c'est dans leur top 10 ou top 3, c'est moi j'ai exceptionnel et c'est très bien. Non vraiment. Ouais. Et donc, du coup, on espère surtout que Strotim, qui représente Radio Ch'toum, il aura le panneau Radio Ch'toum. Ben oui, tout à fait. La réponse de président étant excellente question. C'est marrant. Alors, indéniablement, alors Ricardo, 67. Donc la Kuntin, non. Non, mais on peut. On l'a eu là, on a assez de qualité là. Là, on a des réponses. On demandera à David Guzman. Ouais. Et d'ailleurs, vous êtes plutôt bon en accounting. Très, très bon. C'est comptabilité. Hein. Oui, j'avais. Je suis meilleur en anglais. D'accord. Ricalewis 67. Indéniablement, la qualification du Racing face à Mayence est à classer au Panthéon. On l'a déjà dit ça, non? Non. Il s'agit d'un match anthologique intrinsèquement. D'accord. Un moment, Tom. Anthologique. Ouais. Ce match de rêve valide-t-il la stratégie Blouko sans laquelle nous n'aurions probablement jamais vécu un tel moment et un tel parcours en Coupe d'Europe? J'appelle ça la jurisprudence Mulhouse-Hockey. Oh bah alors là, rappelez-vous de 2005, hein, 2005 lockout de la NHL. Donc les joueurs américains refusent, les propriétaires de franchises refusent d'augmenter les joueurs. Et du coup, c'est une grève à l'inverse. Ils disent, en fait, on va plus travailler, donc on va pas vous payer. Et puis, tant qu'on n'a pas trouvé un accord. C'est assez rare. Mais ça arrive dans le sport. Yes. Du coup, il se trouve que les joueurs de hockey ne savent pas quoi faire. Et donc, ils vont cachetonner, comme on dit, ils vont cachetonner en Europe. Et Mulhouse récupère les meilleurs joueurs, enfin des mecs de NHL, donc des top players. Ils finissent champions. Hein, ils gagnent donc la Ligue Magnus, si je dis pas de conneries. Et dans les deux ans qui suivent, ils déposent le bilan. Plus fort que les brûleurs d'eux. Ouais, ils ont gagné. Et alors, non, forcément, si tu mets 100 millions pour prendre les meilleurs joueurs, mais que tu peux pas les payer à terme, ben, en fait, tu vis des super moments. C'est comme tu peux te payer les plus belles vacances de ta vie, mais si tu ne peux plus manger en rentrant, tu meurs de faim. C'est beau, c'est cette métaphore ou cette voilà. analogie. Donc, cette donc du coup, le métaphore alimentaire, ça marche toujours. Donc, je veux dire, d'où vient Marc Keller? Quel est son premier club? Professionnel. Ah, bah oui. Le FC Mulhouse. Et tout à fait. Et il a tout appris. Mulhouse, tous les sports ont fait faillite parce que les mecs ont vu plus gros que ce qu'ils étaient. Alors que normalement, l'humanisme rénant d'avoir des parents paysans qui vendent des patates à Colmar, c'est on ne dépense pas le sou qu'on n'a pas le sou. Exactement. Il n'y avait pas un article qui parlait de Keller qui. Tout là. Qui gérait avant comme un oui, bon père de famille. Luc Dreosto a dit qu'avant, en gérant bon père de famille, on ne dépensait pas l'argent qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on dépense l'argent en disant c'est pas, on va rentrer des transferts. On sait rien. Alors, j'ai posé aussi cette question sur le show. Personne n'a répondu. Combien vaut Panichelli au 1er mars et au 1er avril dans ton bilan comptable? Au 1er mars, il vaut beaucoup. Au 1er avril, beaucoup. Mais qui c'est qui vend Panichelli? Oui, mais c'est très virtuel. C'est comme si t'as des actions Tesla aujourd'hui, elles sont sous, et ça se trouve dans un an, elles valent plus rien parce que ça n'existe pas. Tant que tu ne l'as pas vendu, ça vaut rien. Mais c'est ça, c'est la réponse. C'était la réponse que donnaient les gens du PSG il y a quelques temps. C'était la valeur du PSG, ça n'a aucun sens. La valeur du PSG, ce sera le pognon que les gens mettront quand ils l'achèteront. Alors, en tout cas, moi, pour répondre au Stubis qui a posé sa question, machin. J'ai envie de citer, ligne de but. Ouais, moi, j'ai envie de citer un grand philosophe, le Big Lebowski, qui dit, c'est ton avis, mec. Ouais. C'est son avis à lui. Exactement. Et ben, moi, je le partage pas, tu vois. Et c'est mon droit de pas le partager. Oui, c'est sur le tapis. It's like, c'est ça. Well, non, it's c'est like son... your opinion, man. Ouais, c'est ça. C'est ton avis, mec. Moi, je, non, match d'anthologie, machin, tout ça. Non, c'était un très bon match de foot. J'avais le smile hier soir, j'étais vraiment super content. On va jouer une demi. Est-ce que ce match-là, c'est le meilleur match que j'ai vu du Racing? Sûrement que non. Mais voilà. Et donc, du coup, tout ce qui est derrière, est-ce que ça justifie le projet Blueco? C'est pas une démonstration mathématique pour moi. Pas du tout. Bah, c'est la vraie démonstration du projet Blueco, pour moi, c'est le départ de Rosenior de son poste d'entraîneur du Racing au mois de janvier. Je pense qu'on est plus près de la démonstration de qu'est-ce qu'est le système Blueco. Sous question, est-ce que Blueco nous veut du bien? C'est un peu comme les grands anciens chez Lovecraft, en fait. C'est-à-dire. Les dieux, ouais. ils nous veulent ni du bien ni du mal, ils passent, il se trouve que par hasard, il peut y avoir une entité cosmique qui détruit la Terre en passant, mais elle ne déteste pas la Terre, elle n'aime pas la Terre, elle s'en fout des humains, elle les remarque même pas à la limite, puisqu'elle est tellement énorme. Et ça, on déteste ça en tant qu'humain. On a envie de penser qu'il y a quelque chose en rapport avec nous. Ben là, je pense que c'est exactement pareil. Si Blueco, comme vous avez dit, tous ici, vous êtes forts, comme le Racing dans le projet Blueco, c'est peanut, c'est une des sous-investissements possibles. On est entre le parking de Chelsea et l'équipe féminine, c'est ça. Et ils ne nous aiment ni ne nous détestent. Voilà, c'est pas personnel. Ouais, exactement. It's not personal. Exactement. Exactement. Alors ça pourrait le devenir si on commence à menacer les enfants des dirigeants de Blueco. Tout à fait. Et je pense que l'histoire de Rosenior, oui, ça montre ce que c'est le projet, mais en vrai, de vrai, de vrai, c'est ce qui est extrêmement qui est extrêmement horrible en fait avec ce genre de projet, c'est qu'on vient de le dire, on verra que à la fin, et à la fin, ce sera. C'est la fin. C'est pas ça, c'est une incertitude énorme, et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auront raison depuis le début, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas le but. Le but, c'est pas de dire, oh, on avait raison, vous avez tort. Bon, un peu quand même. Non, le but, c'est que le Racing s'en sorte. Oui, bien sûr. C'est que, je pense. Le but, c'est l'institution, c'est la souveraineté. Exactement. Écoutez. C'est que, et donc. Jean-Pierre. Mais on ne pourra juger qu'à la fin. Il y a peu de gens qui se font d'illusions. Il y a beaucoup de gens, quand même, qui ont vraiment conscience que ça va mal finir, que ça va finir dans le truc. Mais il y en a qui se disent, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et donc, ils profitent du moment. Ouais. Mais ils savent que ça va aller dans le mur. Et il y a ceux qui disent, qui crient au loup, quoi, qui disent, de toute façon, on va aller dans le mur. Mais et les mecs disent, ouais, je sais, mais j'en ai rien à battre. T'es sur le Titanic, tu vas quand même au bar, quoi. Exactement. Voilà, mais même là, tu juges, je pense que. Ça me gêne. En fait, ce que décrit Roulane, ça me gêne pas du tout, parce que je suis vieux et sage maintenant, que des gens aient d'autres avis que le mien. Et qu'ils le vivent différemment. Ce qui est casse-couille, réellement. C'est par contre de se faire insulter parce qu'on n'est pas du même avis. Ça, c'est intolérable. Mais c'est pas du tout Bigelowski, ça, genre. Non, pas du tout. Pas du tout. Putain de nihiliste. Tout ça pour dire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se souhaiter de se revoir entre les demi-finales et les finales, je pense. Parce que là, il y a quand même quelques échéances. On aurait pu imaginer, si on n'avait pas performé dans les coupes, qu'on avait une fin de saison particulièrement chiante. Avec ventre mou de championnat. Là, on a quand même un truc assez sympa à vivre sur la fin d'année. On sait pas si ça se trouve, ça va vachement rigoler. Si ça se trouve, ça va beaucoup moins. Les sports. Glorieuse incertitude. Et donc, on va essayer de se retrouver avant la finale. Ouais. Surtout si on la joue pas, parce que ça serait con quand même d'attendre la finale si on la joue pas. Je pense que si on joue pas la finale, on la commente en direct. On peut le faire maintenant de la société. Alors maintenant, on a un matos, on peut même faire un live. Voilà. Mais en tout cas, mais surtout. Ça a bien marché quand on a fait. Surtout. Allez, Racine. Allez, s'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.